Minuit, 2h. Je préviens une chose. Ouais. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... Ah, vous arrêtez, s'il vous plaît. Les débats de Gérard. Cette émission est réservée à un public averti. Une émission sponsorisée par Chocopip. Et voilà, bonsoir à tous. Débat j'ai tout casé. Débat sur les catastrophes, on s'en fout des sponsors, hein, d'accord. Donc c'est débat sur les catastrophes, alors j'ai bien précisé l'autre fois que pas sérieux s'abstenir, donc... Bonsoir Gérard. Bonsoir Fildar, bonsoir Manu, bonsoir. Eh, ça va là, tous les deux là? Ah non, mais non. C'est dehors que ça se passe sinon, hein. Je vous préviens tout de suite. Ah, ils s'emballent devant tout le monde là. Alors, on commence par accueillir... Bah Rigaud pour l'instant est pas là, non. Bah Rigaud, si tu nous entends, on t'attend. Hein. Bah oui, mais il faudrait peut-être qu'il se dépêche parce que sinon... Anka, à l'internet, ça risque d'être limite. C'est clair. Ouais, ça risque d'être la catastrophe. Je suis super doué en internet. Ouais, ben, je pense comme que... On va faire plein de connexions. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, j'ai l'impression que l'internet, on va pas y toucher ce soir, malheureusement. Donc, on va toucher un peu, toi. Donc, alors, débat sur les catastrophes. Donc, on accueille pour ça Philippe Decheval, de Bordeaux, 119.9. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'équipe. Bonsoir GG. Bonsoir. Petit bonsoir, réacteur, bonsoir. 23 ans de tour, 102.8. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ouais, mais parle un tout petit peu plus fort qu'on puisse t'entendre comme il faut. Hein. Je veux bien parler plus fort, ok. Voilà, comme ça, ça va déjà mieux. Grosse torpille, 29 ans, Paris, 101.9. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Gomez, 22 ans, Toulouse, 102.7 pour terminer. Oui, bonsoir, bonsoir Gérard, bonsoir Anka, bonsoir Manu, bonsoir Fildar. Bonsoir Gomez. Salut Gomez. Alors, bon, ça y est, c'est terminé, les bonsoirs maintenant. Donc... Et les minuit pile, on débute le débat. Donc, je préviens tout de suite que là, c'est un débat quand même assez important. Donc, je voudrais que les... Ouais, mais c'est pas un débat, c'est peut-être un débat assez chaud, mais je voudrais que tout le monde réponde correctement quand même aux questions qui vont être posées, parce que... Pas sérieux, s'abstenir. Voilà. Bien. Alors, d'où vient le mot « catastrophe » On va demander ça à Gomez. Très bonne question. Bah, écoute, le mot « catastrophe », ça va être dur, hein, quand même. Ça va être chaud. Ça commence bah ouais, mais non, mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, en fait, la tournure de ta phrase. D'où vient le mot catastrophe? Quelle est la définition? Quelle est la définition pour vous? Bah écoute, catastrophe, bah, c'est quelque chose de pas beau à voir, déjà. Mm-hmm. Hein, parce que bon, il y en a eu pas mal cette année, déjà. Bah ouais, mais ça, on va en parler d'ailleurs, ouais, c'est clair. Ouais, c'est moche, hein. Des quelles catastrophes? Bon, Fildar, tu commences pas à commencer à dire des conneries. Tu laisses répondre quand même les auditeurs qu'on essaye de mener un débat à bien. Ouais. Donc, les catastrophes, bah, c'est un peu le chiffre des lettres, mais avec du caca, quoi, je crois. Gomez, ou tu réponds correctement, ou je te vire tout de suite. Ouais, excuse-moi, genre. Ah, bah, ça, y en a déjà un qui a voulu jouer les gros cailles avant que je prenne. T'as vu comment que ça a fait? Ouais, ça m'a chaud, ouais. Et il a rappelé pour passer pour faire les débats, j'y ai dit non, donc. Sacré spécimen, celui-là. Voilà. Ouais, grave, ouais. Alors, grosse torpille. Alors, pour moi, la catastrophe, c'est des interventions maléfiques. Non, mais d'où vient le mot catastrophe, l'expression? Non, mais pour moi, c'est des interventions maléfiques. Bon, alors, grosse torpille. Bah non, c'est croyances. C'est croyances, je fais du vaudou. Non, mais moi, je te préviens, vous allez répondre correctement aux questions, parce que sinon, ça va vite gerber, parce qu'il y a du monde qui appelle quand même pour y participer. Non, mais il faut quand même respecter les réponses d'autrui. Hein. C'est vrai, ça. Grosse torpille, oui. C'est la dernière fois que je t'avertis, d'accord? Je tiens à te signaler qu'autrui, ce n'est pas une insulte. Ouais, ben moi, je te préviens que si t'as pas envie de répondre correctement, c'est pas la peine de rester dans le débat, d'accord? Très bien. Alors, dernier avertissement. Petit réacteur. Oui, et ben, moi, je pense que ça vient de catastrophique. Tu peux préciser? C-A-T-A-S-T-R-O-P-H-I-Q-E. D'accord. Moi, j'ai 12 lettres. Bon, ça y est, vous avez... tout à l'heure, il y en a un qui va avoir 13 lettres, qui va se retrouver au stand et qui va se retrouver dans son lit. Avant la fin du débat, d'accord? Alors, en de bon entendeur, salut à pour commencer. Alors, Philippe Decheval, pour terminer. Philippine Decheval. Moi, je pense que tu parles de l'étymologie, en fait, c'est ça? D'où vient le mot catastrophe? Ouais, eh putain, ça. Mais qui c'est qui vous... Eh non, mais qui c'est... Tout à fait. On vous a pas expliqué comment ça se passait, un débat? Ça vient de cataplasme. Moi, j'étais un cancre en vocabulaire. Qui dit ça? Moi, je suis à côté du chauffage. Qui dit ça? C'est Kiki. C'est Kiki, c'est Roberto. Bah, à mon avis, c'est Gomez. Non, pas du tout, c'est pas moi. Non, c'est Grosse Torpille. Non, pas du tout. Hein. Non, mais j'ai pas reconnu ta voix. Non, j'allais pisser. Pas moi non plus. Alors, Grosse Torpille, tu peux aller pisser. Non, mais je suis revenu là, parce que j'étais en train de chercher dans le dictionnaire et j'ai trouvé. Catastrophe, c'est un accident impromptu. Ouais, ben c'est moi qui donne la réponse. Vas-y, Gérard, vas-y. Donc, c'est un accident impromptu. Alors, c'est un événement désastreux calamiteux. Calamiteux, pardon, ouais. Et ça veut dire quoi, calamiteux? Ouais, bah, j'en sais rien d'où. Quand t'as le pot calamité, tu sais, t'as trop du cul. Tout. Ah ouais. Dénouement événement principal d'une tragédie. Voilà. Exactement. Parce qu'on va pas lire tout ce que. Ah bah merci, je me casse le cul à bosser. Et toi, ouais, tu veux pas lire. Attends, il y a des exemples. Ah ouais. Non, mais ça y est, malheur. Bon, ça, c'est pour la question. Bah, tu l'as dit, le prochain, là. Bah, ça y est, événement fâcheux, désastre. C'est marieux de ce que je viens de dire. Ouais. À la fin, t'as la théorie, je crois, la théorie de la catastrophe. C'est intéressant. Ah. Alors, catastrophique, c'est ça, non? Non, la théorie de la catastrophe, toujours dans catastrophe. Ouais, mais attends. Il a pas l'habitude du dictionnaire, vas-y, Moulo. C'est écrit tout petit, il n'y a pas d'image. Ah ouais, en plus, donc, théorie des catastrophes, théorie qui, à partir d'observations empiriques de la forme d'un système ou d'un discontinu tente de construire un modèle dynamique continu. Allez hop, basta. Gérard, moi j'ai passé une visite médicale cet après-midi, et tu sais, ils te font lire des trucs pour savoir si tu dois porter des lunettes. Toi, non, c'est clair, t'es aveugle. Ma chine est trop petite là-dessus. Non, là. Il a un cul. Ah, puis t'as bu deux bières ce soir. Ouais, s'il te plaît. Je t'avais arrêté, Gérard. Tu fermes pas ta gueule. Cure, pas cure, t'as allé la question. Que pensez-vous des catastrophes en ce moment, Philippine de Cheval? Ça tient en 3-4 mots, c'est pas bien, c'est tout. Ça y est, bon. C'est pas cool. C'est pas bien, franchement, on reconnaît, ça se fait pas. On va pas citer de nom, mais ça se fait pas, c'est tout. Bon, alors, Philippine, au revoir. Bah pourquoi? Attends. Au revoir, allez hop. Mais c'est mon opinion. Au revoir. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ce délire? Au revoir. Tu plaisantes ou quoi? Au revoir. C'est comme ça. Ça y est. Voilà, alors, petit réacteur. Oui, eh bien, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu fourni niveau catastrophe. On n'est pas aidé, en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Je sais pas si on peut en parler à l'antenne. Dis, mais ça, je te couperai tout de suite si ça va trop loin. Non, ça va pas aller trop loin, mais bon, je veux dire, un Concorde qui s'écrase sur le Non, on va en venir dans peu de temps. Est-ce que j'irai trop vite par hasard? C'est déjà sur la quatrième question. Ah, d'accord, l'avion, c'est la 4, alors. Voilà. Okay. Bon, donc, sinon, à part ça, petit réacteur. Bah, à part ça, ça va. Non, mais tu peux répondre quand même à la question. Ah oui, bah oui, je t'ai dit, quoi. En ce moment, oui, les catastrophes, c'est assez nombreuses, ouais. Grosse torpille. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de catastrophes en ce moment. Il faudrait faire quelque chose contre ça. De toute manière, on n'y peut rien. Parce qu'ils nous tartinent, même ceux dans le journal de TF1, de catastrophes. Moi, j'ai envie qu'on rigole ce soir. Le débat, c'est ça. Hein, c'est sérieux, s'abstenir. Il n'y a pas que des catastrophes graves aussi. C'est vrai, il y a des petites catastrophes. Gérard, c'est une catastrophe, tu vois, et c'est drôle. Ouais, c'est vrai. Gomez. Les diarrhées, c'est des petites catastrophes. Grosse torpille, au revoir. Allez, hop. Allez. Gomez. C'est clair que ces dernières années, il y a eu beaucoup de catastrophes. C'est bien dommage, mais je crois que c'est peut-être un truc inventé par l'État aussi, hein, cher. On sait jamais, hein, tu vois, c'est peut-être un truc médiatique. Non, mais ça, on n'y peut rien. Ça arrive quand ça arrive, hein, malheureusement. Des fois, est-ce que tu penses qu'il y a des catastrophes provoquées? Disons, c'est ce que tout le monde voudrait savoir, mais ça, on ne sait pas exactement, hein. Ouais, ok. Hein? Super. On n'a pas... si Philippine et Grosse Torpille. Grosse Torpille aussi. Je l'ai fusillé. Mince, mince, excusez-moi. Silencieux. Bon, en attendant, est-ce que vous voulez un petit sondage? Non, merci. On s'en fout du sondage de l'IRC. On va pas faire beaucoup de connectés là ce soir. Moi j'en ai rien à foutre du sondage de l'IRC. C'est pas comme ça qu'on travaille sur l'IRC, d'accord? Je peux accueillir quelqu'un, ma petite pocotte? Ok, nickel. On accueille Rado Diarré, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est Raph Garé, j'appelle de Toulouse, on écoute Fun sur 118.8, bonsoir à tous. Toulouse 118.8? Tout à fait, bonsoir Gérard. Bonsoir, c'est bizarre parce qu'il y a Gomez qui est de Toulouse et c'est 102.7. Ouais, mais ça c'est Toulouse Nord, moi j'appelle de Toulouse. Donc là, tu m'as dit la fréquence 118.8, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors donc, t'as entendu la question, non? Absolument pas, malheureusement. Alors, que pensez-vous des catastrophes en ce moment? Moi je pense qu'il y a un peu une épidémie. Je pense qu'il serait temps de trouver le vaccin, si je peux me permettre cette petite image cavalière. Ouais, mais attends, sur une catastrophe, on peut pas savoir, ça peut arriver à n'importe quel moment et n'importe quand. Je pense qu'avec les technologies actuelles, quand même, des fois, on pourrait à peu près voir. On connaît qu'il y a des trucs qu'on aurait pu calculer à l'avance. Ça aurait économisé beaucoup de... hein, quand même. Ouais, mais quoi, qu'est-ce que tu veux dire par là, alors? On va pas citer de nom. Bah dis, on sait jamais. Si ça va trop loin, on reviendra en arrière. On va te fusiller. On va te fusiller, puis on te dira au revoir. Non, je préfère pas, alors. Bon. Pour me faire virer, je préfère attendre la prochaine question pour me faire têche. Ah ben, je vais te dire une chose, que si c'est pour dire des conneries sur la prochaine question, tu as viré quand même, hein. Mais non, attends, mais je vais éviter de me faire virer sur celle-là, c'est pour ça, quoi. Alors, la prochaine. Pensez-vous qu'il y a... Tout le monde a répondu, déjà? Ouais, bah non, bah non. Et toi? Bah si. Bah moi, j'ai répondu en même temps. Qu'est-ce qu'on pense des catastrophes, toi? Bah, de toute manière, j'en reviens comme petit réacteur disait, donc on va en discuter juste après sur la question 4 à propos de l'avion qui s'est... à propos du Concorde, c'est tout. Ouais, mais toi Gégé, tu t'en penses quoi, toi? Bah ouais. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu dégueulasse, n'empêche, parce que bon, c'est vrai que il y a des gens qui méritent pas de mourir comme ça dans des trucs... Mais c'est écrit, c'est le destin. Ben disons, c'est le destin, oui, dans un sens non, parce que on peut pas savoir quand est-ce que ça arrivera. Mais dans un sens, quoi, oui. Comme non, mais ça se trouve, toi, ton destin, c'est toi, c'est de mourir en décapsulant une bière. Ouais, avec le rien. Voilà. T'en sais rien. Faut aller au cul. Faut aller au cul, toi. Toi, tu restes poli parce que je te signale que je t'ai reconnu, d'accord? Parce que t'es dans un bureau derrière nous, d'accord? Non. Non, tiens, à peine. Tu crois que je t'ai pas vu parler avec Marco tout à l'heure? Hein, presque pas. Chaud. Ok? Ça va bien. Alors, je vais te dire une chose. De quoi vous parlez? Moi, je suis à Toulouse. Ouais, non. Ouais, non, mais j'ai reconnu quand même, hein. Bon, alors, j'ai masqué ma voix. Ouais, ouais, ben, je crois. Allô? Ouais, non, mais à mon avis, je sais qui c'est, hein. Alors, ils appellent pas de Toulouse, ils appellent d'un bureau, d'accord? Franchement, il n'y a pas de numéro en 05. Hein, pensez-vous qu'il y a le même nombre de catastrophes tous les ans? On va demander à Rat Diarré. Comme ça, on va voir ce qu'il va répondre. Honnêtement, à mon avis, c'est variable. Parce que ça peut pas être une constante fixe tous les ans. Donc il y a quand même une fourchette, hein. Il faut savoir, à mon avis, ça varie, je dirais, de... Jérôme ? De 5 à, ouais, de 5 à 5000. Mais grosso modo, hein. Ouais, mais large, c'est quoi, une fourchette large. Non, ouais, une grosse fourchette. Voilà, La fourchette large. La fourchette de Bibi, voilà. Ouais. Pour en prendre plus. Voilà, nourrissante, quoi. D'accord, bah, radiaré, au revoir. Tu vois, sur cette question, je t'avais dit. Une pelle. Voilà, et d'ailleurs, j'ai quelqu'un pour le remplacer tout de suite, comme ça. On accueille Brice Flutio, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Pas de pipeau. Non, pas du tout. Bonsoir Manu, bonsoir Philou, ça va, ma cocotte? Bonsoir. Bonsoir, et toi? T'appelles d'où? J'appelle de Panams. 101.9. Tout à fait. Ouais, ben, tu restes quand même poli, d'accord? Je suis 10XX. Ouais, ouais, ben, tu vas te calmer, d'accord, tout de suite. Ok. Donc, t'as entendu la question? Oui. Bon, alors, tu peux répondre? Bien sûr, que ça, alors, je te dirai X. je vais te dire une chose, Brice. C'est ou tu réponds correctement, non, ou je te dis au revoir tout de suite. Mais je suis un ex-otage, je suis traumatisé. Alors, au revoir. Comme ça, celui-là. J'ai juste eu le temps d'en trouver un autre. Alors vas-y, tu me le vires pas au bout de 40 secondes, je galère, moi. Bah je m'en fous, quoi. On accueille Avalanche en plomb, 29 ans, de Caen. Oh putain, bonsoir. J'appelle de Caen, c'est 117.7 Fun à Caen, GG, bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Donc, t'as compris, t'as entendu la question? Non, désolé. Bon, alors donc, la question c'est, pensez-vous qu'il y a le même nombre de catastrophes tous les ans? Donc on va demander à petit réacteur de répondre. Non, c'est variable. Mmh. Par exemple, l'année dernière, il y a eu quoi? Il y a eu l'éclipse. L'éclipse, c'est pas une catastrophe? Bah si, un peu quand même, hein. Un peu. Il y en a qui ont les yeux brûlés. Ouais, non, mais ça, parce qu'ils ont pas, ils avaient pas les lunettes, hein. Il y a des aveugles, hein, maintenant. Ouais, mais ils avaient qu'à, il y avait des lunettes qui étaient vendues pour, hein. Ouais, mais il y en a, ils savaient pas, donc il y a eu. Ouais, non, mais attends, ils savaient pas, et c'était dit depuis, bien longtemps, comme quoi, il y avait des lunettes qui étaient vendues, et c'était. Elle est quand la prochaine, d'ailleurs? 2011, ouais. 2011? Ok. Donc pour toi alors, petit réacteur, c'est ça? Donc c'est l'éclipse et la tempête. Hein. Mm-hmm. Ouais, mais ça, on va en parler. Ah ouais, mais si à chaque fois je précède l'éclipse. Non, mais c'est bon. De toute manière, on peut en parler. C'est vrai qu'il y a eu la tempête, il y a eu l'éclipse. Bon, on va pas parler tout de suite du Concorde, ça va être. Non, on le garde sous la main, celui-là. On le garde là pour maintenant. On va pas parler non plus du sous-marin. Le quoi? Le Koux, ouais. Le Koux. Donc ça va être Captain pareil. Il y a quand même aussi. Attendez, sérieux là, écoutez. Il y en a quand même plusieurs là qu'on va citer dans la question suivante. Mm-hmm. Donc pour toi alors, à part la tempête et l'éclipse, donc c'est ça ta réponse. Bah, l'année dernière, oui, c'est tout ce dont je me souviens. Et mm-hmm. puis cette année, il y a eu des trucs beaucoup plus catastrophiques. Bon, et là, on va y venir bientôt. Mm-hmm. Ok. Avalanche. Moi, je pense que ça se situe à peu près toujours dans les mêmes zones, hein, selon les années, il y a toujours à peu près le même nombre de catastrophes. Hein. C'est une constante, hein. C'est la vie qui veut ça, il y a toujours des chavirements de canoës, des trucs comme ça. Fildar, oui, il y avait un truc. Attends, je te coupe 5 minutes à Balanche comme Anka, oh, oui. c'est pas. Ah oui, mais vous me laissez pas en placer une et quand je parle, c'est des conneries. Alors. Non, mais là, c'est pas. J'ai plein de super sondages. Les sondages, on en a rien à foutre, nous, c'est des questions sur le site. Remonte pas là, remonte le carré, voilà. Donc, il y avait l'abbé Pierre sur. Remonte le carré sur le côté où il y a les flèches, putain. Ça, c'est un pro de l'internet, putain, remonte le carré, bordel. Remonte le carré. Rigo, reviens, on est en misère, là. Mais manque de peau, Rigo, malheureusement, Rigo, il n'est pas avec nous. Il est décédé, ça y est? Non, mais on l'embrasse. Ah non, dis pas ça. Non, il est en combat de chien dans une cave, laisse-le. Un orphelin, putain. Ah non. Ouais. Bon, et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de l'IRC parce qu'il menaçait de faire une grève, là, si on parlait pas de. Oh, ta gueule, Anka. Bon, l'abbé Pierre, il demandait, moi, il disait, la pire des catastrophes qui puissent m'arriver, c'est que Gérard devienne mon beau-frère. Wow. Eh, c'est quoi, là, ce bordel, là, derrière? Est-ce qu'il fait des gitanes, quand même? Eh, ça y est, ouais, tu vas te calmer, là, Bon, ce petit réacteur là, ça se calme? Ah, c'est pas moi, hein. Ou c'est Gomez? Ah non, Gérard, c'est pas entre Gomez ou Avalanche? Ah, non, Gomez, il a chopé un rhume. Bah, il nous reste plus. Il nous reste plus. Tu peux continuer, Gérard? Bah, Cours. Alors. Oui. Donc, il y a aussi Starsky from Saint-Tropez qui dit que la théorie des catastrophes, c'est quand tu bailles à Paris, ben, ça pue en Australie. Bon, alors, voilà. Ouais, si c'est un petit cul, Anka. Ouais, un petit jeu, on comprend rien du tout. Ouais, c'est pas fini de la verra à Paris, c'est la théorie des catastrophes, c'est que quand GG baille à Paris, ça pue en Australie. Voilà, voilà. Lui, il ferait mieux de taper sur son truc et de ne pas nous faire chier. Gomez, Avalanche pour continuer, pardon, excuse-moi. J'ai oublié la question avec tout ça, c'était quoi? Oh non, je la répète plus. Y a-t-il autant de catastrophes tous les ans? Mais je t'ai déjà répondu, GG, je t'ai dit que c'était une constante, on a parlé des canoës qui chaviraient. Gomez, ça dépend aussi de la lune, ça dépend aussi des marées, parce qu'il y a des moments... On revient sur l'éclipse. Ouais. Bah ouais, mais on revient pareil sur le truc. Parce qu'il y a des années où les marées sont plus fortes, donc il y a on va revenir sur les catastrophes. Sur la Big Bang et tout ça. Mais non, sur les tempêtes et tout ça. Non, mais tu veux dire. Attends, quand il y a une tempête, la marée, c'est pareil, hein, elle monte. Hein. Mmh, bah je suis désolé, hein, ça paye, c'est une catastrophe aussi. Hein. Gigi, t'habites au bord de la mer maintenant parce que tu pues la mouille. Ça sent la marée, ouais. Gomez. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Gomez, il a chopé un vilain rhume en 10 minutes, là. Ouais, je sens qu'il va. Dans le couloir. Non, c'est parce qu'il est à poil de vanne, c'est pour ça. Ouais, bah ouais, c'est un poulet, il fait froid. Hein. Bon, allez, Gomez, au revoir. Bah, au revoir. Hop là, j'ai quelqu'un pour le remplacer direct. Ah, chaud. On accueille le grand Grégory, bonsoir. Oh. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Salut mon grand. Bonsoir Alba. T'appelles où? J'appelle de Paris. Bonsoir Andy Bag. Bah, moi je m'en suis sorti, je sais nager. Tu te calmes s'il te plaît, d'accord? D'accord? Oui, tout à fait. Bon. Je vais nager avec la Bécotard. Vous vous calmez là, Avalanche et Grégory, je vous dis au revoir à tous les deux, et puis on va mettre un disque, on va essayer d'avoir d'autres personnes. Tranquille. Hein, alors vous choisissez, vous vous calmez ou vous gerbez? J'ai fait mon choix. Alors, bravo. D'accord, bravo Manche. En plomb. Non, c'est un manouche. Bon, allez hop. Pose-moi ta question, le corbeau. Allez hop, terminé. Tu leur dis au revoir à tous les deux et on va à qui tous les deux. Avalanche, Avalanche, Grégory, au revoir, terminé. Allez hop. Ok. Comme ça, on met un. On met un sondage, on fait un petit sondage quand même déjà. Parce qu'on on est déjà à la troisième question, il est minuit. Ouais, non, mais c'est pour ça, on va faire deux sondages d'un coup. Non, un, garde-en. Avez-vous déjà vu une catastrophe? Alors 59% des gens répondent oui, mais ne veulent pas en parler, c'est trop perso. Mais ça, à chaque fois, c'est pareil. Donc dans ces cas-là, c'est pas la peine que... Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent voir une catastrophe et ils sont traumatisés, tu vois. Ouais, mais si c'est trop perso, dans ces cas-là, qu'ils mettent rien sur les sondages. Bah, ils répondent, mais ils disent... 34% disent qu'ils ont seulement vu l'épave de la Mercedes de Lididi. Alors ça, c'est une question que je commence à voir ras-le-bol. Il y en a même une autre que je dirais pas, et une autre sur la 2 bon, et la 5, je ne dirai pas. C'est Rigo qui les avait trouvés. Non, Rigo n'est pas là. Alors, mais pas sur ça, sur son dos. Il nous les a 20% envoyés. Des gens disent que c'est sur 100% que je repicole. Alors ça, ils commencent à me gonfler les couilles sérieusement, les mecs. Et 11% pensent que les catastrophes, c'est truqué. À mon avis, non, c'est pas du tout truqué. Malheureusement. Ça dépend lesquels, genre l'affaire Roswell, c'est une catastrophe et c'était truqué. De quoi l'affaire Roswell? Bah, l'histoire de l'extraterrestre là qu'on voyait sur une table en train de se faire opérer. Bon, à mon avis, c'est du c'est bidon. C'est truqué, bah oui. C'est du bidon. L'Azekmu, man. Ah, s'il suite. Te plaît, ouais. Okay. Ouais, on a plus qu'un petit réacteur, alors on va essayer, on va envoyer un disque et puis c'est tout. Alors, les barbus du club Merde, avec bien à Jolo, il y a des plages privées. Et vous pouvez nous appeler au 0803-08-5000, à tout de suite. Tu vas Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. Cette émission est réservée à un public averti. L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. N'importe quoi comme jingle. Rebonsoir à tous. Donc on venait de s'écouter le petit barbu du club Merde avec viens à Jolo, il y a de la plage privée. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Manu vous y attend et sur l'internet, donc je voudrais qu'il y ait un peu plus de monde que ça. C'est pas parce que Rigo n'est pas là. On a 58 personnes. Ouais, quoi? C'est ça. Oh, c'est nul. Non, mais attends, mais elle prend que ce. Non, mais prends attends, tous les. Attends. Prends tous les tchans. 57. Ouais, bah 57, d'accord. Ouais. C'est ça. Mais ça va revenir, ça va revenir. Mais oui. Venez sur l'internet, c'est bien. Ouais, c'est ça. On s'éclate, on parle de plein de trucs. Ouais, ben c'est bien. Si tu sais pas faire l'internet, tu vas au standard, ça vaudra mieux. Hein. Donc on récupère petit réacteur. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir, oui. Toumex ou Foumex. Zoumex. Zoumex, t'appelles d'où? J'appelle de Paris. Donc 101.9, merci. Oh, la voix de flotte. Crouton. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Pithiviers. Fréquence? 112.5. 112. 5, Loiret. 5, ouais, mais merci. Henri Cocorde. Excusez-moi, je me suis trompé pour l'internet. En fait, on est 6451. Ah bah voilà, oui, putain. Voilà. Mais... Je suis désolé. Elle disait que sur j'avais Brest. J'avais vu que les deux derniers chiffres. Henri Cocorde. Ouais, 116.6, 28 ans. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. 116. 116.6 FM. Ok. Bonsoir. Bon, donc, on va revenir à la 4. Bon. La question, c'était quoi, Gérard? Alors, c'est un débat sur les catastrophes. Ouais. Toujours débat sur les catastrophes. J'avais oublié de préciser. Donc, on va arriver à la question qu'on va on va pas trop s'éterniser dessus, mais on va quand même faire un bon point dessus. Un peu, ouais. On va essayer d'y répondre correctement sans dire de sérieux. Sérieux, là. Pas sérieux, donc, à votre avis, qui est responsable des dernières catastrophes du Concorde et du Cous Le Cous. Donc, le Cous. Alors, Henri Cocorde. Oh, bah putain, ça tombe sur moi. Attention. Tu veux vraiment qu'on balance des noms, GG? Je te demande. Non, mais vous avez suivi un peu l'actualité, non? Vous avez demandé qui est responsable, on va balancer des noms. À votre avis, qui est responsable? Est-ce que t'as un bon avocat? Bon, tu fermes ta gueule ou ce que dis au revoir tout de suite, toi? Ouais, vas-y, je t'écoute. Bon, alors, Enrico, au revoir. Allez, il t'écoute. Hop, non, il se fout de ma gueule. Mais non, il se fout de ma gueule. Allez, hop. Gérard. Terminé. Allez. Hop, au revoir. Écoute. Allez, Crouton. Ouais. Mais le problème, c'est que t'as sauté la personne d'avant, ça m'a déstabilisé, psychologiquement. Tu devrais répéter la question, Gérard. Non, je répète plus les questions, vous vous démerdez. C'était sur les catastrophes, mais l'étymologie, c'est ça? Non, pas du tout. C'était quoi? Tu te fous de la gueule du monde, Crouton? Pas du tout. Gérard, le vire pas, il est gentil. Voilà. Non, mais qu'il réponde correctement, il sait la question, donc je la répète pas. Non. Bon, alors, quand on aura compris... Alors, je passe mon tour et je reviens. Ouais, ben, tu vas revenir dans peu de temps, je te le dis tout de suite. Petit directeur. Oui, alors, le Cooks, j'en ai aucune idée. Mm-hmm. Par contre, j'ai lu sur Internet qu'ils auraient trouvé un bout de rotule en ferraille sur la piste, et ça aurait fait dérailler le Concorde. Petit réacteur. Oui. Tu fais gaffe à ce que tu dis, parce que sinon, toi, tu as dégagé tout aussi. C'est hyper officiel. Ouais, donc il y aurait un bout de rotule, enfin un bout de... Non. Un bout de rotule en acajou qui aurait... Ouais, bah toi, je crois... Non, mais ça, c'est pas sérieux. Je crois que là, t'es en train de te foutre de ma gueule, sérieusement. Il y avait un truc sur la piste. Il y avait un truc, ouais. Oui, mais on sait d'où ça vient, en plus. Ça vient d'où? Non, mais je vais attendre qu'elle réponde correctement à la question. Mais attends, tu venais de te faire opérer, ils avaient dit, ils sont plus à l'hôpital. Je veux dire, ils sont pas fait chier, quoi. Ils ont été le vire à Gonesse, et puis voilà, quoi. Bon. Et en plus, ils ont bien vu que la cure, c'était après, donc... Alors, petit réacteur, oui. Comme tu dis des conneries, je te dis au revoir. Je dis pas de conneries. Je te dis au revoir. Voilà. Il est pas coupable, cet homme. Alors, Gérard, j'ai quelqu'un juste avant... Que Zoomex réponde, c'est Petit Incendie, 18 ans de Paris. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir GG. Bonsoir. Salut. Donc 101.9. Donc Zoomex. Alors écoute-moi Gérard, j'ai entendu dire qu'il y avait de l'alcool qui traînait dans les réacteurs du Concorde. Et quelqu'un... Hey, tu te foutrais pas de la gueule de... Petit Réacteur aussi, toi? Non, pas du tout. Donc quelqu'un aurait été picoré l'alcool à l'intérieur des réacteurs... qui aurait causé, bien sûr, l'explosion du réacteur et donc le crash du Concorde. Ouais, ben, je crois que tu te trompes. J'ai vu ça sur pas mal de magazines et sur Internet aussi. C'est ça. Moi, sur Internet, c'est pas du tout ce que je lis. Moi, ce que je lis, c'est que le Concorde... Mais toi, tu sais pas lire, donc s'il te plaît. Toi, tu fermes... Hey, Zoomex, tu fermes ta gueule. Voilà, et tu me laisses parler. Donc, d'après Starsky, forme Saint-Tropez, toujours, le Concorde, il s'est crashé parce qu'en fait, il y avait une passagère mystère qui avait voulu monter dedans. Bon, alors lui, tu lui dis qu'il ferme sa gueule pour une bonne fois pour toutes. D'accord. Et tu lui dis, dis-lui. Il n'y a que lui qui parle. Ouais, bon, ferme ta gueule. Alors, Crouton, maintenant que t'as entendu. Il me semble que c'est des gens haut placés, mais je suis comme l'auditeur précédent. Si je dis des noms, je vais peut-être avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Putain, mais vous... Hey. Mais c'est des gens haut placés, là. Hey, vous avez suivi les informations, ouais, Pour moi, Gérard, enfin, honnêtement, c'est des gens de l'État, ça. Mais pas du tout. Ah, pour moi, c'est un inspecteur des impôts qui a déconné, hein, totalement. Oh là là là là, mais... On vous a pas dit comment que ça se passait, les débats jeudi? Ah mais tout à fait, tu poses des questions débiles et nous on essaye de répondre. Alors, Crouton, les questions débiles. Alors, j'ai un putain de challenge. Bon, moi je t'emmerde, alors tu vas bouffer tes croutons dans ta soupe, au revoir. Ok, la balle. Allez hop, au revoir pour Crouton. Ça va vite ce soir. Ça va vite. Petit incendie. Ah bah ouais, moi je suis au courant de l'histoire aussi, hein. Alors, si tu... Je sais tout, hein, j'ai vu des dépêches AFP et tout, je suis au courant de tout, j'ai vu. Hein. Alors je te préviens, si c'est pour dire comme les autres, tu vas dégager aussi, toi. Mais j'ai pas le droit de le dire, c'est ça le problème. Bon, Pognard, apparemment... Non, mais l'enquête en cours, là. L'enquête, maintenant, elle est terminée. Hein, apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre dire par les informations et sur les journaux, que le Concorde va revoler d'ici peu de temps. Bon, alors maintenant, tous ceux qui avaient été interdits, donc vont pouvoir revoler. Maintenant, ils savent. D'où est venu le crash? Bah oui, on le sait. C'est l'alcool. Non, c'est qu'il y avait une pièce d'un avion qui avait décollé bien juste un peu avant lui, qui a laissé un bout de son aile. Mais non, il a laissé une bouteille de vodka. Bon, alors Zoomex, la bouteille de vodka, au revoir. Voilà. C'est un avion russe. Non, c'est une compagnie haute. Donc, je donne pas le nom de la compagnie. C'est une compagnie américaine. Je crois que c'est Airway, non? Non. C'est Airwalk. Oui, Manu. On va accueillir La Tour Infernale. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir GG. C'est La Tour Infernale. J'appelle de Strasbourg. 115.5. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. 115. 115.5. Nouvelle fréquence à Strasbourg. Oui. C'est une nouvelle fréquence. Ouais, donc il n'y a pas longtemps que tu as été capté sur peine. Alors. Bonsoir à tous les Strasbourgeois qui nous écoutent. Il y en a quand même pas mal. Ah, donc oui. Tu veux répondre à la question maintenant que j'ai dit à peu près ce que. Si tu me la reposes, je veux bien. Ouais. Bon, alors pensez-vous que. Non, c'est pas. À votre avis, qui est responsable des dernières catastrophes, donc du Concorde et du Cousteau? Du Cousteau, dans l'eau, le Cousteau. Moi, le Cousteau. Moi, je pense qu'honnêtement, c'est la faute à pas de chance. Hein. Mm-hmm. Non, mais c'est le destin. La fatalité, voilà. Bah, ouais. La fatalité, tu vois. Les choses, tu sais, les choses doivent arriver comme ça. Hein. Mm. Ouais, mais est-ce que Giscard vient foutre là-dedans, hein, filmé? Il faut laisser la justice faire son travail avant. Non, mais ça y est, de manière, ils ont trouvé d'où ça promenait, donc ça vient. Gérard, d'habitude, ils nettoient les pistes avant. Oui, mais il y avait. Pourquoi ils n'ont pas nettoyé là? Ce qu'il y a, c'est que quand l'avion. Ouais. Quand l'avion qui a laissé son aile, une partie de son aile. Comment il a pu voler déjà, si c'est à l'arrière, on ne sait pas exactement. Donc, le Concorde était prêt à décoller quand ça s'est passé. Oui. Donc, la piste était déjà contrôlée avant. Mais comment ça se fait, que ça soit fait avant et pas après? Ben justement, c'est là que la question est. Bon, donc maintenant t'aurais dû aller à Orly là et voir un peu où Roissy. Non, mais il partait de Roissy en plus et il allait. Pourquoi t'as pas été faire ta propre enquête à Roissy? Non, mais de toute manière, c'est avec ton impair de pervers. C'est un bout de ferraille d'un DC-10 d'une compagnie que je citerai pas. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, pour le Cooks, là c'est encore différent parce que oui, Manu. Non, vas-y, continue. Non, mais dis. Parce que j'ai deux auditeurs à accueillir, mais vas-y, explique. Justement, on va les accueillir pour que t'expliques. On va accueillir Joyeux Noël, bonsoir. Oui, bonsoir, bonne année à tous. Joyeux Noël. Bonsoir. Et on accueille aussi Otage de Pousseau, bonsoir. Bonsoir l'otage. Salut Gérard. Salut. Salut tout le monde. Eh, hey, tu peux parler un peu plus fort, l'otage? Excuse-moi, salut. Dis-moi. Salut le barbu. Salut. T'appelles d'où? Joyeux Noël, t'appelles d'où? Moi j'appelle Aix-les-Bains. Fréquence? Dans le Vercors, 105.4. Puis, quand je vous demande les fréquences, vous les donnez tout de suite. D'accord. Otage. Oh! Otage, tu vas répondre ou je te mets une balle? Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Allô? Au revoir! Non, allez! Au revoir! J'essaie d'en placer une depuis une demi-heure. Ah, IRC, là. Il y a une bonne question sur IRC. Il y a une réaction. Mmh. Alors Gérard, pour moi, mes vacances, je voulais partir faire une croisière en sous-marin russe dans les mers des Philippines, mais mon Concorde a eu un petit problème technique. Mais sinon, ma question, c'était que t'es un gros connard, Gérard. Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est important, en fait. La prochaine fois, tu te la fermes. Il a plus de place dans son cul, Gérard. Comment elle fait? Tu te la fermes le prochain coup et c'est tout. Et après, c'est tout? C'est pour l'instant, oui. Il y en a combien sur l'internet? Attends, je leur demande parce que moi je sais pas. D'accord, tu sais pas, alors tu sais même pas faire du standard. Ça y est, on est 88 852. 88 000, pourquoi? Non, 8 000, pardon. Ah bon? 8 000. 8 852, parce que 88 000, ça m'aurait étonné. Hein. Déjà, quand on arrive à 10 000, c'est bon. On l'a déjà fait, hein, quand ta grosse elle jouissait, on arrivait à 10 000. Ma grosse, ça t'emmerde, toi, connard. J'ai une bonne question, ça y est. Il y a Seigneur qui demande si le Concorde, est-ce que Gérard corde beaucoup? Bon, ça, c'est pas des questions intéressantes par rapport au débat, d'accord? Alors, des questions comme ça, je m'en dispense. Joyeux Noël. Merci, toi aussi, Gérard. La question était... À votre avis, qui est responsable des dernières catastrophes, le Concorde et le Cooks? Donc, sur le Concorde, on en a assez discuté. Le Cooks, alors? Par contre, le Cooks, est-ce que tu pourrais me spécifier, quand tu parles de Cooks, de quoi tu parles? Du sous-marin, si t'as pas suivi. C'était quoi l'histoire? J'ai pas trop suivi l'histoire. Ouais, moi non plus. C'est pareil, les mecs, c'est pareil. Il y a un mérou qui a décollé sur la piste et puis il a laissé une nageoire et le sous-marin s'est crashé. C'est ça. Alors toi, t'es complètement con. Hein. On peut faire quelque chose contre tes mérous? Je crois qu'il y avait des kystes dans le Cooks. Non. Bon, tu réponds? C'est pas mal. Bon, joyeux Noël, tu réponds? C'était bien celle-là. Elle est pas mal. Joyeux Noël, tu réponds ou tu dégages? Non, je vais répondre, effectivement. Moi, je dirais que ces catastrophes sont dues à une tragédie humaine. Hein. Ni plus ni moins. C'est l'erreur de certains hommes. C'est le destin, on peut le dire. Arrête avec Giscard. C'est la fatalité humaine, ni plus ni moins que ça. D'accord, et c'est tout ce que t'as à dire? Tout à fait. Bah non, je crois que... Il y a Otage de Pousseau qui est toujours là, que j'ai calmé. Hein. Non, tu nous dis si, si, il est là. Gérard, s'il te plaît, Gérard. Faut le calmer, faut lui mettre... S'il te plaît, Gérard. Vas-y, baïonnez-le, va se calmer. Je suis calme, Gérard. Bon, alors tu vas répondre à la question maintenant. Ah oui, mais le temps que Manu me calme, j'ai bah, allez, j'en ai marre de répéter les questions, je voulais... C'est le Cooks, c'est-à-dire... C'est-à-dire, c'était le sous-marin, le héros. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, il y a un déroulé. Bon, alors je sens que là, ce coup-là, otage. Attends, j'ai rien dit. C'est bon, calme. Reste bien. Bon, et otage terminé. Allez, ce coup-là, hop, terminé. Terminé. Je vais pas m'emmerder avec un. Moi, j'ai lu dans un journal où j'ai vu à la télé, je sais plus, ouais, c'était à cause d'un pneu. C'était les poches. Non, il a crevé un pneu, il a heurté une falaise, ou je sais pas trop. Non. Moi, c'était un sous-marin russe, et on disait que les sous-marins russes étaient en fait en mauvais état. Et qui commençait, enfin, il continuait quand même à s'en servir. Non, mais là, ce qui s'est produit, mais attends, parce que Tour Infernal, t'avais pas répondu, toi, Fernal, à ça. Si, bien sûr. T'avais déjà. On avait cerné la question quand même. Mais je pense que j'ai dit, tu devrais pas entraver le travail de la justice comme ça. Hein. Il y a des affaires qui sont en cours, et tu sais que normalement, on doit pas parler sur les affaires en cours. Hein. Tu risques d'avoir des problèmes. Non, mais ça peut aller chercher loin. Hein. L'histoire du Concorde, maintenant, c'est terminé. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Alors, si, parce que là, ils vont revoler très prochainement. Ouais, mais les chèques d'indemnisation n'ont pas encore été faits, donc tout n'est pas joué, attention. Ouais, mais ça c'est avec la compagnie. Et toi, Tour Infernal. Ah, c'est pas moi, hein. Il te reste de l'air, là. Ah, ça crame, mais c'est pas moi. Et c'est qui s'amuse, là? C'est entre Tour Infernal ou Joyeux Noël? Non, pas du tout, hein. Je déteste le feu. Donc c'est Tour Infernal, ça? C'est des bulles. C'est pas moi, il y a des bulles, là, c'est le court, hein. C'est pas moi, hein. Tour Fernal, tu as commencé par arrêter un peu tes conneries parce mais que ça m'énerve. Regarde, écoute, c'est pas moi, je suis en train de te parler là, c'est pas moi. Ouais, à peine. Bon. Toi, si t'avais 5 plaques pour faire un aller-retour Paris-New York, tu le reprendrais maintenant le Concorde si tu dis qu'il va revoler, toi t'aurais confiance ou pas? Non, moi je partirais pas dedans. De toute manière, je t'as pas 5 plaques, mais bon. Bah si, dans la jambe, mais. Ah oui, bien joué. Mais Gérard, toi tu trouves ça admissible qu'il fasse. Comment dirais-je, ils font naviguer des sous-marins qui sont tout rouillés, qui valent plus rien, ils valent pas 3 copecs à la bourse. Non mais attends, tu parles de quoi là? Bah je te parle du sous-marin du Cooks. Ah. C'est Tour Fernal? Non, c'est Joyeux Noël. Joyeux Noël, attends, 5 minutes. Oui. Petit incendie? Oui. On ne gêne pas, non? Elle est calme, Gégé. Non, mais... Tu parles pas depuis tout à l'heure et tu m'agresses comme ça. Non, mais je te demande. Non, mais je te demande, ça va, on ne gêne pas. Je lui mettais le feu au standard. Non, parce que tu pourrais quand même participer au débat si ça te dérange pas. Il n'y a pas de problème, Gégé. Embrasse-toi, rejoins-nous. Non, parce que là, il y en a que deux qui parlent. Gérard, d'ailleurs, pour compléter ce fabuleux tableau, on accueille Eric Aka. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir Eric Aka. Bonsoir tout le monde, bonsoir Magnifida. Attention, c'est d'être détrain. Bonsoir. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Salut. T'appelles d'où? J'appelle de Corbievoix. De quoi? 9-4. Collection. Quoi? Tu peux répéter d'où? Courbevoie. Courbevoie dans le 9-4? Ouais. Ah ouais, d'accord. tu connais Courtebois en Courbevoie. Courbevoie, c'est dans les Hauts-de-Seine, donc c'est ça. C'est toi l'enfant seul issu de l'orphelinat. Bon, joyeux Noël, tu te calmes ou je te dis au revoir? C'est pas moi, Gérard, c'est pas toi. Ou c'est Tour Infernal? Ah, non plus, moi je rigole, je peux pas tout faire. Bon. Alors, joyeux Noël, tu disais donc. Donc, je disais que c'est un problème politique, ni plus ni moins. Ben non, tu parlais du sous-marin tout à l'heure, toi. Oui, voilà. Avant que je te coupe. Comment ça se fait, Gérard, je te pose cette question. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les Russes, c'est quand même la deuxième puissance mondiale, il y a 10 ans, après les États-Unis, comment ça se fait qu'ils mettent des sous-marins à la mer, étant donné qu'ils valent pas 3 copecs à la bourse, que ça nage pas bien, qu'ils ont des problèmes dans les ailerons à tribord. En plus, c'est du matériel atomique, ça, attention. Hein. Non, mais c'est un truc nucléaire, c'est un truc, ça rigole pas, Gérard. Ouais, c'est atomique. T'envoies ça sur un Godzilla, il te l'explose, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc, c'est atomique, si tu veux. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de ouf. Et donc, moi, je te pose la question, Gérard, la question est la suivante, comment ça se fait? Comment ça se fait? Non, mais moi, de toute manière, d'après les informations qu'on a pu avoir, et pour l'instant, maintenant, c'est pour eux, c'est une histoire qui a été vite bâclée. Enterrée, comme on dit. Qui a été vite bâclée. Hein. Disons, ça a été carrément clos, mais rapidement, parce que on n'en entend plus parler de ça. C'est bizarre, d'ailleurs. Donc, ce qui s'est produit, d'après ce qui a été dit, ça serait suite à un truc de... Eh ben, je suis une gomme, quoi. Non. Pas un fusible. Non, ça serait un. Ça serait sur de. Oh non, mais ils sont tombés en panne de gasoil parce que c'était trop cher. Non, c'est d'après ce que a été dit, ça a été sur une histoire de des essais, donc ça serait d'après ce qui a été dit. Mais attends, entre parenthèses. Quoi, traduit là. Ça serait une torpille, un genre de torpille qui aurait touché le sous-marin. Donc elle vient d'où? Elle vient d'où? On ne sait pas d'où. Attends, il y a une scoop. Une torpille sauvage qui se balade dans la nature comme ça, elle vient d'où? Bon, alors joyeux Noël, la torpille sauvage. Non, c'est pas moi. C'est pas lui, mais c'est vrai, n'empêche, c'est pas une torpille sauvage, elle vient d'où la torpille? Elle a bien été tirée par quelqu'un. Ouais, c'est pas la même torpille qui a tué les Dili quand même. Ah. Bon, alors joyeux Noël, au revoir. C'est dans 30 semaines, toi. Joyeux Noël, au revoir, et tour infernal. Fais gaffe parce que tu risques de faire comme lui. Infernal, j'ai tour infernal. Gérard, mais il y a une question par rapport au Poux là qui me vient. Au Poux, pardon. Voilà. Pourquoi les Russes ont attendu autant de temps pour, tu vois, demander de l'aide? Parce qu'ils voulaient, ils voulaient au début aller les sauver eux-mêmes, et ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient pas parce qu'ils avaient que des vieux vélos. Quoi. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pas demandé de l'aide parce qu'ils pensaient pouvoir y arriver eux-mêmes. Ils ont pas voulu de l'aide des Américains et tout ça. Mais c'est après qu'ils ont vu qu'ils avaient fait une connerie. C'était pas un peu tard. Ouais, mais il était tard parce que déjà. Il était plus de minuit déjà. Non, mais quand ils ont demandé l'aide. Donc il était déjà trop tard parce que les marins qui étaient dedans étaient déjà morts. Ouais, mais donc les morts, il porte bien son nom, Vladimir Rustin. Ouais, je vais te dire une chose, que fais-moi confiance, que lui, il s'en est pris plein sa gueule aussi. Donc. Gérard. Ouais. Il y a Canedoc sur IRC qui demande si le cours ça aurait pas eu lieu s'il y avait eu des CB dedans. N'importe quoi. Canada. Non mais arrête, ça c'est des questions Anka. Mais non, c'est pas une question con, c'est vrai. Non, ça c'est des questions Anka. C'est les questions de Anka qui viennent de l'internet. Donc alors je vois pas pourquoi que le mec il va avoir une CB dans un sous-marin alors qu'il est à je sais pas combien de mètres de profondeur. Alors comment mais tu oui. Alors dis-moi comment ils peuvent communiquer en CB alors qu'ils sont à une certaine profondeur. Ouais, alors dis-moi. Bah justement d'où la question. Non mais moi je te pose la question. Ouais, dis-moi vas-y, d'où. Vas-y, ah non mais moi c'est réponds. Pas bon, moi bah qui vais répondre aux questions. Bah alors. Tu sais Gérard, c'est toi qui as bossé sur le débat. Moi j'ai pas bossé là. C'est toi qui as préparé le. Mais alors mais moi je te dis. Si tu dis les catastrophes, tu dois savoir pourquoi. Cette question là elle est con. C'est tout. Voilà point final à la ligne. En fait t'as pas de réponse. Point final à la ligne. Cette question là elle est con. Et ta réponse c'est quoi alors? Ça, ma réponse, c'est qu'ils n'ont pas de CB dans les sous-marins. Terminé, oui, point final, à la ligne. S'ils en avaient, ça aurait été. Ils n'auraient pas, ils peuvent pas en avoir dans les sous-marins, ils sont trop pompons sous l'eau. Okay, voilà, terminé, basta. Tu sais pas. Arrête de l'énerver. Oh, putain! Un peu de bruit. Bizarre. On peut accueillir quelqu'un, GG? Ouais. On accueille Virus Poussola, bonsoir. Allô, bonsoir Gérard, bonsoir. Bonsoir Virus. Bonsoir Virus. Voilà. T'appelles d'où? J'appelle de Nantes. T'as l'air malade. Hein. Bah écoutez, t'as de la fièvre. Eh, ça t'arrive de te réveiller quand tu veux passer dans un débat, toi? Ben non, mais je suis réveillé, mais bon, j'ai une voix. Oh là là. Fréquence de Nantes. 103.4. Oh, on est pas loin de la vérité pour une fois, je crois. Ouais, 104.3. Je sens qu'on va s'amuser avec toi pour répondre aux questions. Hein. Très bien. Alors, Erika, là, puis Virus. Erika Badou. Donc pour vous, donc on va s'arrêter, on va finir avec vous deux là sur moi, la question. Je suis là aussi, hein, t'inquiète. Oui, aurais-tu l'obligeance de répéter la question? Non mais ça y est, on en a assez discuté. Je crois que vous avez très bien compris de ce qu'on parle. Mais toi, GG, c'est la tour infernale là. Tu prendrais toi un sous-marin ou pas? Non. Non. À cause de ce qui s'est passé ou t'en aurais pas pris avant de toute manière? Même. Du foyer Sonacotra. Bon alors petit incendie, au revoir. Ben allez, comme ça, celle-là, elle va finir tranquillement dans son lit. Donc, tu disais quoi, alors? Je te demandais si toi, tu prendrais le sous-marin dans certaines circonstances. Non parce que je crois... T'as peur de l'eau? T'es allergique à l'eau? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir comment c'était à l'intérieur d'un sous-marin. Maintenant, il y a le sous-marin sous la Manche hein, pour aller en Angleterre. Non, mais c'est... Oui. Virus, c'est pas un sous-marin, c'est un train. Oui, il y a le tunnel sous la Manche. Ouais, mais c'est un train. Il y a le sous-marin sous la Manche. Ah ouais. Voilà. Y a pas ta connerie non plus sous la Manche. Bien vu, Gérard. Il y a pas ta connerie sous la Manche. D'accord. Bon, y a les caca là alors. Oui. Eric Aka une fois. Oui, le cours que... Le Poux. Le Poux, oui. Le Poux. Qui est responsable du Poux? Moi, je pense que c'est le gouvernement soviétique, en accord avec le gouvernement chinois. Mais tu sais, tout ça, c'est magouille et compagnie. Hein. Non, mais on te demande. Mais c'est le destin, Gérard. Arrête avec Giscard, t'es chiant, on va avoir des problèmes. Bon, ça y est, on va plus s'éterniser là-dessus parce que je crois que vous répondez. Non, mais on fera un débat là-dessus quand vraiment les enquêtes seront terminées. Quand il y aura eu plus de morts. Ouais, alors, attends, c'est qui vient de sortir ça? Alors, moi, je lance un appel à tous les preneurs d'otages, allez-y, tout ça. Eh bah, tour infernal! Pour qu'on puisse faire un débat qui cartonne. Eh ouais, bah, tour infernal, au revoir! Bonsoir tout le monde. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est ce bruit, Gérard? Non, mais c'est rien. Bon, donc il nous reste deux personnes, il est quelle heure? 48. Ouais, et juste avant, sondage, ouais. 5 questions. On accueille Petfouf. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. T'appelle d'où? Alors, j'appelle de stérilet infecté, c'est dans le Calvados. Alors, hey, Petfouf. Qu'est-ce qui se passe? Où tu me donnes ta fréquence correctement ou je te gerbe? La fréquence, pardon. 102.3. Ah bon? Je préfère parce que sinon je t'aurais dû en voir tout de suite. On en sort souvent. C'est pas gentil ça. Ouais ben moi je te le dis tout de suite. Moi, d'accord. En bon ami, mon pote, tout ça. Ouais ben si c'est pour me dire des fréquences de merde, je te préviens que je t'aurais viré tout de suite. Donc qui? Sondage. Tu fermes. Tout à fait. Tu te la fermes pour l'instant, c'est pas toi qui commande le jeudi, c'est moi, d'accord? Mon pote. Ok. Donc, que doit-on faire quand on assiste à une catastrophe? Alors, 73% des gens répondent qu'il faut appeler les pompiers, donc on va pas préciser d'où. De manière, en principe, quand il y a une catastrophe, la première chose qu'on fait, c'est qu'on appelle les pompiers. Ça, c'est systématiquement. Putain, je vais y arriver, ça. T'as deux bières dans le coin. 31% des gens me demandent ce que je ferai. Ben, j'appellerai les pompiers et c'est tout. Mais lesquels? J'ai pas besoin de préciser le nom. Les pompiers de la route, les pompiers de... Les pompiers, c'est tout. Je précise pas les villes, c'est tout. D'accord. 29% des gens pensent qu'il faut s'enfuir en oubliant. Bah ça, c'est non, parce que ça veut dire non-assistance en personne en danger. Bien. 17% des gens me demandent si Bibi est une grosse catastrophe. Pour ce con qui s'amuse à dire ça, ben c'est plutôt lui qui est un gros porc et c'est tout. C'est pas Bibi. Voilà. Que j'embrasse. On embrasse tendrement le clit. Non mais par contre, est-ce que c'est vrai que tu la surnommes ton petit Courx? Et toi, c'est vrai qu'on te surnomme la feignante de... Je te demande, c'est vrai qu'on te surnomme la feignasse du standard? Absolument pas. C'est bah, apparemment, si. Je t'ai vu faire quand je suis arrivé. Tu prenais les gens, tu prenais ton papier, tu disais. Oui, parce que c'est en ça que ça consiste un peu le boulot. Ouais, tu prends les gens pour le papier. Et oui, et ça consiste à épauler Manu pour trouver des auditeurs. Mmh. Pas que Manu se trouve tout seul au standard. Sur le standard, ça me dérange pas. Je t'ai vu appeler Bibi la dernière fois. Ça pourrait être considéré comme une catastrophe. Manu, qui c'est qu'on récupère? On récupère Tremblement de ta mère. Bonsoir. C'est Tremblement de ta mère. Wesh. Pour ceux qui en ont une. Bonsoir à tous. Je te préviens. Oui. Tu as retiré le mot de ta mère, d'accord? Bah, il s'adressait pas à toi, spécialement. Tu vas le remplacer par Roselyne. Oh là. Virus. Bonsoir. Oui. Virus. Je crois que c'était Petfouf, hein. Je veux pas balancer. Mais... Alors, qui c'est qui vient de dire ça? C'est pas moi, c'est pas moi. Alors, c'est Petfouf, au revoir. Non, pas du tout, hein. C'est. Au revoir. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Montmoignon-sur-Micose, bonsoir. La fréquence, putain. Alors, la fréquence est 114.4 dans la Loire-Maritime. Bonsoir à tous. Bonsoir, que de belles villes en France quand même. Tout à fait, charmante ville. Ah là là. Charmante province. Ouais. Bah, ça me fait rêver, hein. J'entends ta ville, j'ai envie d'y aller. Bah, tu kiffes, hein. Donc, la question, et vous allez y réfléchir. Donc, pensez-vous qu'une tempête, ouragan, cyclone et éruption des volcans peuvent faire une catastrophe? Alors, Eric Aka, quand je pose la question, t'es prié de te taire. Fermez ta gueule. Alors, je précise comme c'est. D'accord. C'est tout, d'accord? Alors, je répète la question. Pensez-vous qu'une tempête, ouragan, cyclone et éruption de volcan peuvent faire une catastrophe? Donc, on va s'écouter Gérard Montblanc avec Viens dans mon tunnel, il y a des gaz qui puent. On se retrouve tout de suite après pour la suite du débat sur les catastrophes. Vous pouvez toujours nous appeler comme des fous furieux au 0803 08 5000. À tout de suite. À toi, Gérard. Eh, tu mets les jingles. Oh merde, ça en continue, hein? Un jingle, non? Quel jingle? Bah non, y a pas de jingle à chaque fois, attends. Bah, on voit un jingle, putain. Minuit, 2h. Tu dégages. Pourquoi, connard? Un homme d'or. Les débats de Gérard. Cette émission est réservée à un public averti. Ben, je suis pas blaireau, hein. Et voilà, donc, c'était Gérard Montblanc avec « Viens dans mon tunnel, il y a des gaz qui puent. » C'est vrai, je confirme. Ta gueule. Bah, t'as bu deux bières ce soir, t'as pas arrêté de péter, on peut le dire. Ton micro, Gérard. Non, mais il est allumé. Gérard, ton micro. Non, on t'entend plus, là. Ben alors oh, putain, mais qui a fait ça? Tu dégages, quoi. Oh, tu sors des studios. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas Marco, hein. Attends, mais j'ai des hankas sur hier. Non, tu sors de galère, la pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé, merde, Gérard, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? Vraiment un couple pourri, hein. Gérard, qu'est-ce qui s'est passé? Rien demandé à toi. Aide-le, là, Marco, il galère. Il arrive pas. Il a pas de bras, déjà. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il s'amuse à couper le micro. Ah, bien vu, Marco, bravo. Bravo. C'est bien pour un débat, bravo. Alors, donc, pour ça, on va récupérer Eric Aka. Rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir à tous. Virus. Oui, allô. Ah, ça y est, t'es réveillé? Oh non. Ah, bah oui, je suis réveillé. Et tremblement ta mère, là. Toujours présent, ouais, fidèle au poste. Et on récupère. Et on a Monsieur Mazur, bonsoir. Ah, bonsoir, c'est Monsieur Mazur à l'appareil. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Mais parfaitement, Monsieur Gérard, mes respects. Bonsoir. Donc, je pense qu'on vous a mis au courant de nouvelles règles. Écoutez, de nouvelles règles. Monsieur Emmanuel du Standard m'en a touché deux mots, mais s'il pas plus plaît que ça, si vous pouviez approfondir. Non, mais moi, de manière... Il sait de quoi, ouais, il parle. Hein. Ouais. Donc, moi, je veux bien que vous continuez à passer dans les débats, mais sur les questions... Vous mettez des gants et de la vaseline. Dans le respect. Dans le respect de la nuit des autres. Sur les questions, vous éternisez pas, d'accord? Ça, tu t'étales pas, monsieur Gérard. Alors là, je vous donne ma parole que je ne m'éterniserai absolument pas le moindre du monde. Bon, donc, la question que j'avais posée, c'est pensez-vous qu'une tempête, ouragan, cyclone et éruption de volcan peuvent faire une catastrophe? Donc, on va demander à Eric Aka, là. Oui, je pense que le tout réuni peut faire effectivement une énorme catastrophe. Imagine. Faudrait juste rajouter son dit. Tremblement de ta mère. Ah, c'est pas moi, regardez, une différence de voix, c'est pas moi. Alors, virus, au revoir. Ah non, Gérard, c'est si, pas moi. C'était toi. Ah, au revoir. J'ai pas compris, là. Ah, hop là. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. Donc, tu disais, Eric Aka. Oui, je disais que tous les trois réunis, en fait, pouvaient faire la big catastrophe, quoi. Alors, tu peux préciser? Je sais pas, une éruption cutanée avec un ouragan qui passe par-dessus, un tremblement de terre. Enfin, je pense pas que les gens s'en sortent. Imagine en plus le Concorde qui se pointe, là c'est le bouquet, quoi. Non mais attends, la question du Concorde, il y a longtemps qu'elle est terminée, hein, celle-là. Oui, le Concorde est pour moi une grande catastrophe. Ouais, ben peut-être, mais il y en a eu d'autres quand même avec les ouragans, les cyclones, et les éruptions de volcans, hein, et les tempêtes. Plutôt tranquille niveau ouragan et cyclone en France. Et la tempête de... Oui, Manu. En parlant de tempête, tout ça, on accueille Twister de Doigt Coupe Fin. Bonsoir. Bonsoir, Twister. Bonsoir à tous. Bonsoir, Manu. Bonsoir, Philou. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, Monsieur Twister. Bonsoir, la Tour Infernale. Et bonsoir, Gérard. Non, il est plus là, la Tour Infernale. Non, je suis plus là. Non. Ah, t'es plus là. Non. Et Eric Taka. Bonsoir, les doudouas. Donc, ta fréquence, s'il te plaît. Ma fréquence, c'est 105.4, pourquoi pas. Pourquoi pas? Allez, bien. Que ça sonne bien. Ça sonne bien, c'est pas mal. Donc, avec qui? Gérard, juste avant, j'ai une question de Père Fouras. Oh non. Gérard, est-ce que c'est vrai que tu t'es craché la gueule avec ton gros truck en allant voir ta catastrophe de progéniture dans le Rhône? Oh là là. Lui, il va se faire enculer, je répondrai pas. Et si tu ouvres ton micro pour me dire des conneries comme ça, tu te la fermes aussi, toi. Ah, il est super marrant. Hein. Je trouve ça inadmissible. Ça, c'est vachement bien, tes questions de merde. Alors, je vais te dire une chose. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas sortir des studios parce que c'est pas la peine de travailler avec toi sur l'internet. Dehors. Allez, hop, dehors maintenant. Terminé. Hop. C'est pas normal d'entendre. Terminé. Qui c'est avec qui j'étais quand... Ah, elle lui a débranché son micro, là, c'est chaud. Gérard. Mais non, mais je pensais que c'était le mien. Gérard. Elle va se faire connu. Ça va chier. Qu'est-ce qui se passe? Gérard, là, tu peux même dire la deux là. Eh, ça va faire quoi, tu me coupes mon micro? Mais non, mais elle croit que c'est pour non, moi. Non, allez, dehors. Ah, ça pue. Ça sent le fenêtre. Ça sent le bouc. Non, non, ils sortent, là, tu me mets ça quelqu'un d'autre. Ça sent le petit bouc des montagnes. Y a personne, hein. Dehors. Dehors, c'est tout, je veux plus de toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, attends, on lui demande quelque chose, après elle s'amuse à me débrancher mon micro, donc elle sort et c'est terminé. Internet. Non, allez hop, mais Marco. Non. Vérifie que ça marche. Allez hop, dehors, je veux plus vous voir tous les deux. Allez, faire les tourtereaux dehors. Sur une branche. Allez hop, Dehors maintenant. Je continuerai pas là. Dehors. Allez hop, vous allez. Non mais là c'est dommage parce que. Dehors. Comment pour le gérer? Dehors. Il vient faire. Ça y est, il y a plus de 7500 personnes. Dehors. Je gère Moustache, t'inquiète. Dehors maintenant. Allez hop. Dehors. Non, Thierry Pastor t'a demandé de sortir, donc tu sors. Allez hop. Oh, c'est un petit tour. Dehors. Non, tu reviens pas du tout. Tu reviendras à la fin du débat à 2h. Hop, terminé. Bon, il va te retourner un coup, il va te baiser à la papa dans un coin et puis tu reviens. Allez hop, dehors. Allez. Allez. Okay. Allez, on va au cul. Allez hop. On va mettre un stream. Comme ça, on. Il va lui exploser sa gueule. Il va en mettre un autre, là. Il est bon, lui. S'il fait pas des conneries, je vois bien. Sinon, il va faire pareil que les autres dehors aussi. Ouais. Non, là, sur l'internet. C'est quoi ton prénom? Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Mathieu, bonsoir. Donc, tu réponds que les questions, c'est pas des questions pourries que je veux sur le site internet. Donc, tu me donnes de temps en temps le nombre. C'est ta chance. Hein. Pas de problème. Mathieu, la première fois sur Fun. Hein. Ouais, c'est ta chance. Toi, alors, ouais. Bon, alors, avant qu'on accueille Twister, on était avec qui? Je posais la question à qui déjà? Avec Monsieur Mazur. Allez. Ah oui, Monsieur Mazur, on venait d'accueillir Monsieur Mazur. Non, j'avais déjà posé la question. Ah, non, absolument pas, Monsieur Gérard. Non, mais c'était avec c'est Eric Aka, je crois. Hein. Non, pas du tout. Bah, c'était à qui j'avais posé la question en premier? C'était à Monsieur Mazur. C'était à Monsieur Mazur, oui. Ouais. Ah bon, ouais. Bon, bah alors. On a dit Monsieur Mazur. T'avais répondu, toi, Eric Aka, alors? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, Monsieur Mazur, alors? Monsieur Gérard, permettez-moi avant toute chose de faire une parenthèse. Je suppute que vous ne souhaitiez pas me parler ce soir. Oui, je suppute en ce moment, n'est-ce pas? Bon, allez, répondez à la question. Bah, écoutez, bien entendu, une éruption volcanique et de manière générale, quelle que soit la nature de l'éruption, eh bien, peut enclencher absolument une catastrophe. Je rejoins votre opinion, Monsieur Gérard. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais question tempête, tout ça, Si il faut qu'il tempête, mieux vaut ne pas te trouver à côté. Non, mais je parle style comme l'ouragan ou cyclone, comme il y a eu là. Il y a Stéphanie Monaco. Non, pas. Les ouragans. L'ouragan. Non, mais les ouragans qu'on a excellés. Sur moi. Non, mais je sais, bon. Comme style ouragan ou cyclone là, qu'il y a eu là, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, là. Bien sûr. Bah, écoutez, cela va sans dire, c'est une énorme catastrophe. Mmh. Énorme catastrophe, ne serait-ce que d'abord pour les nombreuses victimes que nous saluons au passage, bien entendu. Et puis tout l'écosystème et ainsi que l'économie des pays qui en sont touchés, parce que il faut bien entendu reconstruire tout ceci après ce genre de catastrophe-là. Mmh. Mmh. Ouais. Tremblement. Ça t'a mis au chômage, toi, la tempête dans le bois, GG. Et comme on dit, tempête en décembre, t'en chies en janvier. Hein. C'est ça. Tremblement de ta mère, là. Tremblement de ma mère, ouais, bah écoute, c'est vrai que ça peut être dangereux. Je pense que si tu cumules tempête, ouragan, éruption volcanique, ça fait quand même un petit peu beaucoup au même endroit. Mm-hmm. Tu forces un peu le destin, comme on disait tout à l'heure, si on parlait du destin, c'est vrai que tu... Arrêtez! Pourquoi? Non, mais. Il y a des problèmes. Non, mais ça, c'est de la pote à pile d'art, quand même. Tout le monde dort. Et c'est vrai, comme disait M. Mazur, pour l'écosystème, notamment pour les arbres, je pense que c'est un choc. Mmh. Parce que c'est un choc indiscutable, quoi. Mmh. Mmh. Twister. Oui, bah, ton énoncé, là, de cataclysme, c'est pas une aubaine pour l'humanité, hein. C'est des catastrophes qui détruisent tout sur leur passage, que ça soit la famille. Les terrains de foot, des coqs, des poulets, tout ça. Ça, ouais. Ça hey, t'es en fixe ou en sans fil? Ah non, moi je suis en fixe. Hein. T'es, tu te fais un fixe? En fixe. Parce que c'est bizarre là, les bruits qu'on a. Hein. T'es en fixe ou en shoot là? Non, c'est parce que je trépote mon fil. Ah. Donc, ouais, ben t'arrêtes de jouer avec le fil. Oui, donc, tu disais quoi là à propos des terrains de foot? J'ai pas trop. C'est vrai que ça s'envole. Non, mais je répète pas ma réponse. Voilà, d'accord. Ben, à mon avis, je crois que tu t'es... Tu parlais des trucs qui s'envolent. Parce que c'est vrai que ça emporte tout, hein. Attention. Hein. Moi, l'autre fois, j'ai vu toute une famille de manouches avec les caravanes et tout, la totale. Hop là. Twister. Des couteaux papillons, quand même. Ah, ça prend le stylo dans ta gueule, encore. Twister. Ça balance, là. Twister, tu vas te calmer quand qu'est-ce je te... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas moi, ça. Hein. Bon. En plus, j'entends mal, là, c'est chelou, c'est sincère. Bon, ça y est. J'ai envie de câlin. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça fait beaucoup, ça. Câlin. J'ai envie de câlin. Qui c'est qui s'amuse, là? Bonsoir. Manu, s'amuse. Regarde. Ouais, je suis toujours en train de sourire, moi, il n'y a pas de problème. Ah, ouais, la nafo. Par moment, je me demande si je suis pas con. Je sens ça mal se terminer. T'as une explication là-dessus? Dans le sol, il n'y a pas de porc. Non mais attends. Oh Manu, bah, hey. Mais vas-y, mais coupe des lignes. Les gâteaux, c'est pas fait avec de la viande, c'est longtemps. Mais coupe des lignes. Monsieur Manu, coupe des lignes. Ah ouais, quand même. Bon, quand vous aurez fini un peu vos conneries... C'est pur, je peux pas couper des lignes. On y va. Donc, alors, pensez-vous qu'une tempête ouragan, qu'un cyclone et éruption de volcan peuvent faire une catastrophe? Moi, je peux vous dire oui, donc déjà... Où est-ce que la tempête, petite, si tu comment? Alors, tremblement de ta mère, au revoir. Quoi? Bah quoi? Au revoir. C'est ce que j'ai dit. Au revoir. Voilà. Alors, donc, la tempête... Donc, on a... Attends, ta réponse sur cette question, c'est... Ben, je suis en train d'y répondre. Vas-y, ma chatte. Donc, sur une tempête, c'est vrai que là, on a quand même dérouillé l'année dernière et on n'était pas loin de... Surtout toi, t'as dérouillé, hein. Non, mais avec la pluie, en plus. Ça a commencé à aller quand même dur aussi sur du côté de Nice, dans côté de Nogent aussi, dans les Alpes-Maritimes. Mmh. Fais gaffe à ce que tu vas dire, Fildar, parce que c'est la picole du vin blanc du côté de Nogent. Donc il y a eu ça, il y a eu les ouragans, ça on en a discuté, les cyclones, c'est vrai que ça fait des gros dégâts du côté des îles de Dom-Tom. Par là, Dom-Tom. Toi, Eric Aka, à Jolo, il n'y a pas eu encore de cyclone, d'accord? Ouais, mais moi, l'année dernière, je suis allé au Cirque Pinder, il y avait cyclone. Et franchement, je peux te dire que moi, je me suis bien marré, moi. Ouais, mais il y en manquait un, c'était toi. Oh, bah, donc ça aurait fait 7 avec toi, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire. Bon, les volcans, c'est vrai qu'il y en a eu. Et sur le tremblement de terre, parce qu'on en a... Avec Volvic, là, les volcans, là. On n'en a pas parlé aussi. On n'en a pas fait allusion dans cette... Illusion dans cette question. Donc, sur les tremblements de terre, il y en a eu, là, il n'y a pas longtemps. Donc, ouais. En Chine, exactement. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Donc, on va bien répondu. Oui. J'ai une question sur le net, là, par rapport aux catastrophes. Pourquoi les cyclones et tout, c'est toujours des noms de meufs? Ben non, ça, c'est pas obligé. Bon, c'est vrai que ouragan, on sait pas. Cyclone, c'est pas un nom de meuf. Si, ouragan, c'est un prénom féminin. Ouragan, on veut faire allusion à Stéphanie On dit une ouragan. Non, c'est un ouragan, c'est masculin. Non, mais même des fois, c'est des prénoms, c'est genre Clara. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Non, mais ça dépend de la taille aussi, du cyclone ou de la tempête, tu vois. Une grosse tempête, on met un gros prénom, genre. Bon, toi, ta gueule. Si le cyclone a une grosse queue, tu. Ouais, on met Fildar. Merci, Gérard. On met Fildar à la place. Merci, j'ai bien fait de la rentrée. Combien qu'on est sur l'internet? 8250 là. 8250. Bravo. Bon, on va quand même faire les 10 000 ce soir. Il reste encore une petite heure à faire. Allez, alors. Pousse un peu. Alors. Manu, ouais. On va Manu, on est là. Manu. Oui. Manu. Oui. Allô. Allô. On accueille... Oh là, je suis brouillé. Oh, allô. Oh là, Gérard. Oh, Fildar. Gérard, ça m'énerve. Rigoler, au coup. Putain, ça fait comme le portable, ta hanche. On accueille le pouce de Dante. Bonsoir. Oh là là là là. Faut aimer le cinéma, hein. Le cinéma, ouais. Comment son nom? Le pouce de Dante. Salut tout le monde, salut. Salut, Ernest. T'appelles d'où? Ah mais non, oh, le bluff, là, quand même. Oh, ouais, t'appelles d'où? J'appelle du Mont-Troudu qui pourrait chantiller. salut, Ernest, ça va, tranquille? Salut, t'as passé une bonne journée. Allez. Alors, Twister. Twister et pouce dedans. Au revoir. Voilà, c'est bien, comme ça. Comme ça, il y avait Tony et Ernest, comme par hasard. Ah bah, bravo, Manu. Bravo, Manu, hein. Ah bah, faudra peut-être que je fasse l'arrière. Ouais, ça va pas tarder dans 4 minutes. Ah. Ouais, tu vois, c'est précis ici. Oh, putain. Dans 4 minutes, on fait la question 6 et 7 et puis tu passeras à l'arrière après. J'ai un paumé à bout du meuble, hein, c'est pénible. Ça y est, l'autre, il est en train de casser le... Ah, c'est quoi ce matos? Tu peux lui passer un bout de ta hanche. C'est quoi ce matos? Il est en train de tout casser, l'autre. Tu me passes ta dévisseuse, Gérard. Putain, il est en train de casser le bureau. S'il est en train de casser le bureau. Putain, le boulot qu'il est en train de nous faire. C'est bon. Bon, ben, on a plus qu'Erika Cap et Monsieur Mazur. Oui. Oui, c'est ça. Bon, donc, avez-vous déjà assisté à une catastrophe, hein? À Je sais pas. Moi, tous les jeudis, oui. Enfin, tous les. Non, attends, je suis dans. Attends. Ouais, si, c'est ça. Fais un sondage, alors. Non, c'est bon. Allez, ouais, bah, si, on va faire un sondage en attendant que. Le temps que Manu retrouve des auditeurs, voilà. Si, j'en ai retrouvé un. J'ai Immondation. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Immondation. J'appelle de Faisandet sur Blénaud. Et c'est 113.3. Bonsoir tout le monde. Bonsoir GG. Bonsoir. Bonsoir. Donc, sondage. Alors, les catastrophes sont-elles prévisibles? Bah, de toute manière, je pense que. Attends, parce que là, on aurait dû la faire sur. Quand on a parlé du contrôle. Bah, ouais, mais bon, écoute, c'est toi qui fais ton. Bah, non, mais moi, je pensais pas que ça allait. Bah, oh, change. Oh, Anka. Non, c'est pas maintenant que tu reviens. Non, tu restes dehors définitivement jusqu'à la fin du débat. Non. C'est dehors jusqu'à la fin du débat. Tu ressors. Donc les catastrophes sont-elles prévisibles? Donc 70% des gens disent oui. Il suffit d'acheter le journal du lendemain matin, ouais, si on veut. 33% des gens répondent non, sinon il y aura plus de morts, connard. Ben ça, ça m'étonnerait. Et 23% des gens répondent oui, c'est moi qui suis au volant, donc c'est complètement con. Et 18% me répondent que le test d'alcoolémie, c'est gratuit. Ben, on n'en sait rien. Voilà, donc ça va. Je me prendrai une d'espé, Gérard. Encore des conneries. Tu veux un bout de citron avec le Gérard ou pas? Ouais. Sur l'internet, non? Sur l'internet, non, il y a des gens qui me disent tout simplement comment t'as fait pour trouver toutes ces questions. Eh ben, en cherchant, c'est tout. Voilà. Salaud. Alors, oui, Manu. On va accueillir USS à la Poussa. Bonsoir. T'appelles d'où? Vous-mère. T'appelles d'où? Brasil. Je n'ai pas dit vous-mère. C'est Brasil, vous-mère. Mais l'enstream. Hey, Manu. Bon, allez, on va où tu gères. Hey, Manu. Ah, ce qui serait bien, c'est que... Oh, ok. Oh, mets-moi ton sgueule. Ok. Non. Regarde un peu, là, quand je parle. Manu, tu me le calmes, là, et puis il me donne sa fréquence correctement. Ouais, j'appelle de Shanghai. La fréquence correctement, je te dis au revoir tout de suite. Sérieux. USS, sérieux. Oui, sérieux, j'écoute sur internet. D'ailleurs, je vois la webcam, tu es très attirant comme mec. N'importe quoi, bon, elle est pas branchée. Alors, tu me donnes ta fréquence ou je te dis au revoir? 107.6. Ah bah, et oh. Il t'en a fallu du temps. Je suis désolé, c'est de la bonne fréquence. Enculé toi-même. C'est pas moi, c'est bon. Hey, Immondation, fais gaffe à toi. C'est pas moi, écoute les voix, j'ai merde. Pour écouter les voix, Gérard, c'est vrai. Ouais, ben, faites gaffe à ce que vous dites, parce que tout à l'heure, là... Merde. Oh, calmez-vous. Attention, on est en plein débat sur les catastrophes. Hey, j'en connais deux qui m'ont dit qui vont aller se coucher tout à l'heure. Bon, allez, on reprend, s'il te plaît, Gérard. J'ai plus qu'une minute, 10 secondes au standard. Avez-vous déjà... assisté à une catastrophe professionnelle? Si oui, laquelle? Oh putain, je crois que je vais assister à une catastrophe, là. Ouais. Alors, US à la Poussa, au revoir. Hop là. Fais gaffe, Immondation, parce que tu risques de faire comme lui. Attention, c'est pas moi, hein. Ouais, bah alors, tu te calmes aussi, toi, parce que... Fais gaffe! Tranquille, je suis tu là. Risques, tu risques de faire pareil! Non. Avez-vous déjà assisté à une catastrophe professionnelle? Si oui, laquelle? Immondation, est-ce pardon. Est-ce que tu peux ressaisir l'essence même de catastrophe professionnelle? C'est-à-dire? Ouais, alors, explique. Les catastrophes professionnelles, c'est ben, si vous en avez déjà subi ou pas. Bah non. Non. Oh là là là, putain, le mec qui s'amuse à derrière comme ça, ça va mal se terminer tout à l'heure. Je le sens ça. Alors, Immondation. Bah non, moi j'ai jamais eu ce plaisir-là, malheureusement. Mais je compte bien que ça vienne un jour. Non. Ouais, bah ça, on verra bien. Eric Kaka. Je vais revenir, j'aurai ma chance. Oui. Et pour toi? Moi j'ai failli. Salut, connard. J'ai eu la bonne idée d'annuler le voyage, en fait. Ta gueule, salope. Bien sûr. Non, c'est des petits coups. Doucement, ce que tu fais à Bibi. Oh là là, mais c'est pénible. J'ai jamais vu Sandy décoré en Miss, là. Hein. Ah, ça commence à bien faire. Je peux accueillir quelqu'un d'autre? Oui. On accueille R Pousswan. Bonsoir. Salut, R Pouss. Salut, R Pouss. Tu connais le nom d'Harry? Fun. T'appelles d'où? Bah là, écoute, je suis dans un avion. Donc, je suis là actuellement, je survole Le sud de la France, on t'entend mal. Hein. Alors, je te conseille, ou tu me donnes ta fréquence correctement, ou je te dis au revoir. Ça doit être 104.2. Ah non, ça passe à 102.3 là. Bon, alors au revoir. Attends, au revoir. Au revoir, allez hop, terminé. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Terminé. Attends, mais attends. Terminé. Bon, je sens que le débat il va s'arrêter à 1h30. J'ai une question là sur le net de Arnett sur IRC qui me dit comme quoi lui a déjà assisté à une catastrophe dans un avion et tout, et il en est même mort. Bah, et bah pourquoi qu'il est sur l'internet ce con? N'importe quoi. Il peut pas rester chez lui. Internet et dans le studio. Il m'a bien eu. Oh, c'est quoi ce bordel là? Inondation. Bah ouais, je t'ai déjà répondu, ma poule, je t'ai dit que non. Alors, Eric Aka? Non, non plus. Parce que tu donnes pas de définition, c'est pour ça, comment tu veux qu'on te réponde? Mais je viens de te dire, professionnel, lors de... professionnel. Donne des exemples. C'est-à-dire quand tu travailles? Un exemple. Faites attention, maladroit, tu vas provoquer une catastrophe, c'est, voilà, c'est tout. Hein? C'est un sketch, c'est quoi? Ouais, ben c'est bon. C'est un truc qu'il avait écrit sur un petit papier. Il m'a dit, alors je vais la sortir, elle va cartonner. C'est un exemple? Voilà, c'est ça, c'est un style, c'est un exemple. Tu peux le faire? Non, bah ça y est. Je continue à dire non alors. Bon, ok, Eric Aka. Oui, je te disais que, en fait, j'ai failli, mais je suis passé à côté. Bah, tu peux préciser? Bah, tu précises pas, pourquoi je préciserais? Bon, alors, Eric Aka. Elle a raison. Bah, non, j'ai raison, hein. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard, est-ce que par exemple vous considéreriez que renverser un ustensile de bureau sur un costume clair et faire une énorme tâche est une catastrophe professionnelle ou non? Bah oui. D'accord. Oui, eh bien, ça m'est arrivé, je peux donc vous le confirmer, je me suis renversé, je crois que c'était... J'allais faire des analyses d'urine, mm-hmm. car je travaille dans un laboratoire, n'est-ce pas, et je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable. Mm-hmm. Et j'ai renversé malencontreusement un bocal d'urine sur un costume en tergale, mm-hmm. un peu ça comme... Pardon? Ça tâche. Ah oui, absolument, ça tâche, oui. Oui, avec... malheureusement pour moi, il y avait quelques résidus de sperme à l'intérieur, et je peux vous dire que... Monsieur Gérard, vous avez l'habitude de vous tâcher avec ce genre d'éléments. Non, pas du tout. T'as pas un truc de grand-mère pour enlever les taches de sperme? Oui, absolument, voilà. Ça, c'est une excellente question. Immondation. Non, mais c'est un petit truc comme ça. Non, mais c'est un petit truc, te calmes. Il y a ta grand-mère. Tranquille. Eric Aka, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. C'est simple, lui. Attends, la police enlève Eric Aka, c'est ouais, ça? Voilà, elle est partie. Donc, Elle est de retour. Elle est à tout part. Gérard? Oui. Gérard? Tu mets du rythme un peu, vas-y, du rythme d'un ton fou. On accueille à la poussuite d'Octobre Rouge. Bonsoir. De quoi? À la poussuite d'Octobre Rouge. Bonne série, là. Salut Gérard, salut tout le monde. Salut. Salut. La fréquence. 94.2. Bon. Très simple. Oui. Donc, monsieur Major, pour... Monsieur Mazur, pour finir sur la question. Ah bah écoutez, voilà, vous avez demandé un exemple de catastrophe professionnelle, je vous en ai fourni un. D'accord. Poursuite. Alors, un exemple de catastrophe professionnelle, c'est ça? Avez-vous déjà assisté à une catastrophe professionnelle? Si oui, laquelle? Bah écoute, je vais te répondre non, tout simplement. Et tu peux pas préciser Non, je précise pas, j'en ai jamais vécu, Gérard. D'accord. Écoute, c'est pas notre faute si on est au chômage, on travaille pas, donc on risque pas de... Hein, tu vois? Ouais, c'est clair. Hein, d'accord. Faut-toi bien de ma gueule. Ah, mais c'est peut-être ça la catastrophe, justement. Tu vois le genre? De quoi? Bah la catastrophe dans le boulot, c'est que vous en avez pas. Ça peut être ça. Bah attends, moi j'ai un taf. Ouais, moi aussi en fait. Hein. Bon, on va payer, mais y'a que toi en fait, Gérard, y'a que toi. Ouais, bah moi. Y'a que toi, cherche pas. Ouais, bah je suis là le jeudi, donc c'est déjà pas mal. Bon, donc. Un jeudi par mois. C'est vrai que pour toi, 2 heures par mois, putain, c'est chaud. C'est chaud la vie pour Gérard. Alors la 7e, parce qu'on va se faire une pause, comme ça on va changer un peu l'équipe du standard. Oui, tu envoies la ZQV. Bah attends, donne-moi un teutri. Putain, mais c'est une émission musicale ou quoi ça? Non, mais parce qu'il y a 12 codes là déjà. Non, on est à 3. On est dans la moyenne. Non, mais plus les décrochages locaux, ça fait 12, hein. Ah, mais bon, ça, on peut pas gérer, tu vois, c'est... Bon, allez, non, mais après, on met plus de disques, après on file, hein. Il reste 8 questions. 3 minutes depuis le début seulement, j'ai... Ouais, c'est clair. Je coupe à moins le quart, hein. Quoi? À moins le quart, on fait... Mais qu'est-ce que tu dis? Tu kiffes, toi? Oui, monsieur Gérard, pourriez-vous passer les machins Pumpkin, s'il vous plaît? Ah, non, je passe pas, on fait pas de disques à la demande le jeudi soir. D'accord, alors juste une dédicace. Non plus. Ah, d'accord. 2 heures. Ouais, parce que j'aime bien les machins Pumpkin. Ouais, ben, vous taisez. Sur internet, j'ai une question de Judge Lyon là pour toi, savoir si tu as déjà pleuré en voyant une catastrophe à la télé. Bah non, parce que comment que tu peux pleurer si je veux pas pleurer parce qu'il y a une catastrophe à la télé, hein, non. Moi j'ai vu Bibi un samedi soir, ça m'a fait chialer. Hein, ouais, c'est ça, t'as raison. J'ai jamais vu Kramer contre Kramer. Non. Alors, non, j'aime pas ces films-là. Donc, pensez-vous que la prise d'otage de Jolo est une catastrophe naturelle? Et on va s'écouter Louis 1664 avec la danse. Attends, répète, j'ai rien compris. Louis 1664 avec la danse des connards. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat. A tout de suite. Minuit, 2h. Si je suis prêt, si je serais pas intelligent, ce serait pas des débats, hein, Brouty. Les débats de Gérard. Cette émission est réservée à un public averti. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et donc, le disque, c'était Louis 1664 avec la danse des connards. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. Manu est toujours au standard. Il a toujours. Et là, Anka, tu t'écrases parce que tu fais plus partie de l'équipe du jeudi avec moi quand je ferai les débats, donc c'est terminé. Donc, même que tu aies un contrat avec eux, moi, le jeudi, j'ai pas besoin de toi, c'est tout. Donc, merde, j'ai perdu. Mathieu. Donc, sur l'internet, en absence de Rigaud, malheureusement. Donc, on était à 8562. Merci, Gégé. On était à 8562 à la pause. Donc, on a toujours Monsieur Mazur. Il doit pas être loin. Peut-être qu'il faisait un petit pipi. C'est humain. Inondation, alors. Tout à fait. Toujours là. Bonsoir. J'espère que Manu, il t'a calmé. Ah, je suis tout tranquille avec le Scud, tranquille. Pousse-suite. À la pousse-suite. Ouais, précisément, s'il te plaît. Je fais ce que je veux, d'accord? Très bien. Donc, toujours là, et Monsieur Mazur, toujours pas. Si, il doit être par là. Et on a aussi Marcel Carton, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Gérard, bonsoir Fedda, bonsoir Manu, bonsoir les auditeurs. Bonsoir Marcel. Salut à toi Marcel. T'appelles d'où? J'appelle de Pithiviers. Fréquence? 102. Hein? 102. 102 quoi? 102. Tout à l'heure, on en a eu un de Pithiviers, il nous a pas dit la même. Ça, c'est Pithiviers Est. Ouais. Bon, alors, Monsieur Mazur, on l'a toujours pas. Bien, mon pote. Malheureusement. Je le rappelle. Ah, il a coupé, je sais pas, ouais. Ok, bah, on va. Il voulait les pumpkins et du rock'n'roll un petit peu, là. T'as entendu la question, Marcel, ou pas? Tout à fait. Bah, justement, j'ai demandé à ce qu'on m'appelle justement pour cette question, parce que, bon, moi, j'ai un statut d'ex-otage, étant donné que je suis parti à Jolo, là, pour faire un reportage pour mon canard. Je suis journaliste. Uh-huh. Et donc, je suis allé à Jolo, et puis, je voudrais dire, enfin, porter un témoignage ici, devant tous ces auditeurs, et pour dire qu'en fait, Jolo, c'est pas l'enfer qu'on nous a décrit dans les médias, que ce soit dans Paris Match, dans Voici ou d'autres canards. Non, mais t'as pas besoin de préciser les marques de canards, Très bien, je m'y assieds. Voilà. Hey, si t'as du monde derrière, tu leur dis qu'ils se calment. Non, j'ai pas de monde derrière, c'est ma radio qui ronronne. Ouais, bah alors tu éteins ta radio complètement. D'accord, je l'ai fait en direct live, bouge pas. Non, mais voilà. Et maintenant, c'est... Larsen. C'est pas moi. Larsen. C'est faux, tout ça c'est faux. Ça a commenté, ça. Voilà, ça a commenté. Donc, je te disais que, bon, je suis allé à Jolo. Il se trouve que j'ai été pris en otage par un concours de circonstances. Abrège. Je vais abréger vite fait. Et donc, je voulais dire que, juste pour dire que c'était pas l'enfer qu'on nous a décrit dans les médias. Que moi, je suis sorti avec deux joliennes, Natacha et Rachida, là-bas. Bon, alors, Marcel. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop, la fumée. L'autre, vas-y, je te donne des noms de magazines, après je te donne le nom des nanas, et puis quoi, enfin. Pousse-suite. Mais je t'ai déjà répondu, moi, Gérard. T'as pas répondu. Ah bah si, je vais répondre, otage. Eh, tu réponds, je te dis au revoir. Avez-vous déjà vécu une catastrophe, hein? Bon, allez, au revoir. GG. Qui Pousse-suite. Qui en a shooté? Vas-y, encore. Encore! Voilà, ça y est. Bon, l'internet. Ouais, à propos de Jolo, il y a Seigneur qui demande que risquent les coupables d'une catastrophe naturelle? Mais attends, c'est pas sur Jolo, ça. Mais non, mais les gens qui sont à Jolo et qui prennent les gens en otage, qu'est-ce qu'ils risquent? Bah, pour l'instant, comme là. C'est du Nord, Mathieu, t'as un accent, non? Nord de Lille. Ah, ouais, d'accord. On te demande si t'es du Nord, non, de Lille. Bon, ok. Du Nord de Lille. Ouais, Manu. On non, a mais que... vient de te poser. Non, non, non, mais attends, je prends les auditeurs avant, je répondrai à sa question. Ça, c'est pour moi, j'ai mouillé ça. Tu le connais pas, c'est un vieux filou. Ouais. On accueille Marie Noire, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Marie Noire. Je viens de jouir sur Jean-Louis. Mm-hmm. Bon, Marie. Fréquence 118.1. Et après Manu c'est bah, après, tu réponds à la question de Mathieu. Il n'y a plus d'autres. Non, il n'y a plus personne. Ouais, Monsieur Gérard, je suis de retour. Oui, oui, je sais. Manu m'a passé comme. Pardonnez-moi, j'ai eu une envie pressante d'aller uriner et voilà, c'est fait. D'accord. En tout cas, merci pour Machin Pumpkin. Hein. J'ai beaucoup apprécié. Et Anka, j'ai dit que ça fonctionne. Non, mais tu répares rien, tu sors des studios, c'est tout. On n'a pas besoin de singes dans les studios. Monsieur Gérard. On n'a pas besoin de singes dans les studios. Monsieur Gérard. Anka Iver. Monsieur Gérard, ouais. Pourrais-je vous poser une question, s'il vous plaît? Non, mais attendez, parce que là, je vous répondrai. Bon. Gigi, tu te rassembles. Alors, donc, la question de Seigneur, que risquent les coupables d'une catastrophe naturelle? De toute manière, si c'est sur Jolo, donc ça, ils vont rester maintenant. C'est à eux de voir. Ça va être au gouvernement de leur côté de savoir comment que ça va se terminer pour eux. Hein. C'est pour ceux qu'on fait ça. Sinon, après, il n'y a plus rien. Non, c'est bon là. Combien qu'on est à peu près là? On est remonté à 9000, 8000? Non, 8900. Ouais, on arrive bientôt aux 9000. Mmh, c'est bon. Fais du bon boulot, mon con. Dégage, quoi. Monsieur Mazur, donc vous vouliez. Monsieur Gérard, je voudrais juste vous demander une petite faveur. Écoutez, depuis tout à l'heure, j'entends la voix de cette jeune fille qui s'appelle Anne, je ne sais plus comment. Ouais. Écoutez, je ne puis m'empêcher de me caresser le corps en entendant son organe. Pourriez-vous me la décrire, s'il vous plaît? Ah non, ça, vous l'aurez. C'est un débat sur les catastrophes. Vous l'aurez en antenne, si vous voulez, à dire, à se décrire. Écoutez, vous n'avez qu'à me la décrire succinctement. Non, mais vous l'aurez. On rentre tout à l'heure. Oh, vous êtes vraiment très content. Alors, pensez-vous que les otages de Jolo est une catastrophe naturelle, Monsieur Mazur? Oh, bah, tout à fait. Bah, oui, absolument, oui. Oui, absolument. C'est une catastrophe totale. Naturelle, je ne sais pas, mais catastrophe, en tout cas. Parce que quand même, Monsieur Gérard, je crois que vous serez de mon avis. Moi, si j'avais été à la place du groupe Abou Sayyaf qui a enlevé le groupe de journalistes, je me serais démerdé au moins pour enlever des journalistes de Canal+, ne serait-ce que pour avoir un abonnement gratuit. Ouais non, mais faut éviter de donner des... Ouais, pas trop de noms, quand même. Hein. Faut éviter de donner des noms, quand même. Ah, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Bon, Anka, tu sors des studios, s'il te plaît, merci. Pouvez-vous me la décrire, Monsieur Gérard? Dehors des studios, t'as pas besoin de... J'aime pas... Anka veut s'asseoir à côté de Gérard. Non, alors dehors. Anka. Dehors. Franchement, tu fais ce que tu veux, mais tu le fais surtout pas transpirer. Ouais. Dehors. Dehors. Ah ouais, il pique, hein. Dehors. Non, il pique. Dehors. Inondation. Moi, je pense qu'en ce moment, la prise d'otage est quand même bien à la mode. Et c'est vrai que bah, ça s'est un petit peu dénaturé, quoi. Il y avait quand même un art de la prise d'otage avant. Ouais. Il faut savoir que ça s'est perdu, parce que regarde maintenant, les otages y reviennent. Déjà, ils reviennent, première chose. Ouais. Bah, ça y est, avant, on prenait quand même le temps d'en abattre un ou deux, histoire de faire comprendre aux autres. Ouais, mais là, et tout... ceux qui reviennent, ils n'ont pas été torturés, pas de psychiatrie, pas de balafre, rien. Ouais, moi, je dis que tout le camp. Non, mais tous les Français donc ont été sains et saufs. Tous, ils sont tous sauvés, là. Non, il en reste encore. Non, mais non. Non, c'est fini. Ah, c'est putain, c'est... Ouais, la suite au prochain épisode. Qui prouve bien que la prise d'otage a perdu un peu de son parfum. Ouais, puis il faut qu'il tourne le deuxième maintenant. Manu. Oui, on va accueillir Pousséo. Bonsoir. Bonsoir Pousséo. Bonsoir Pousséo, je peux le brasier. Bonsoir Pousséo. J'ai un screen, je me prends 12 guernes. Bon plaisir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Pousséo. Oui. Oui, bonsoir. Ta fréquence 104.2. Oh là là, je crois que celui-là, il va pas rester longtemps encore. Bon, allez, hop, on le torpille. Oh, mais non, j'ai galéré pour les noms. Non, allez, hop. T'as galéré, tu vas galérer qu'on va reprendre, qu'on ne veut plus. Ouais, il y a Starsky là, qui dit un truc très juste sur les otages de Jolo, comme quoi ils ont au moins l'avantage d'avoir leurs photos de vacances gratos avec une vidéo et tout. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas... C'est et, quand de même... beubard, et de la beubard, quand même. Ouais, mais ça, c'est la maxi beubard. Ah, tu reviens avec une belle beubard, hein. Ouais, mais ça, c'est quand même... c'est pas marrant non plus de rester comme ils ont vécu pendant... Sans rasoir. Ça fait bien 15 ans que t'es comme ça, toi. Maury Noir. Sur Rennes, question. Maury Noir. Enfermé dans une cave. Moi, je trouve pas franchement que ce soit une catastrophe. Parce que moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, le truc, ça a été tout mis sur pied pour que les mecs, ils rentrent chez eux, ils écrivent des bouquins et après, ils sont pétés de thunes. C'est vrai. Non. C'est possible. Attends, tu les as vus à la télé. Ils étaient en bonne santé, rigolés, tout ça. Vas-y, puis je te pète le. Vas-y. Ouais, non, mais ça attends, si tu dis que si c'était un truc monté, c'est faux, parce que c'est pas parce qu'ils vont pas sortir un bouquin, c'était des journalistes. Hein. Monsieur Gérard. Attendez, monsieur Mazur, s'il vous plaît, merci. Il y a eu quand même deux journalistes de France 2, hein, quand même, là-dedans. Hein. Oui, mais ils sont pas prêts. Trois. Trois. Un demi, il y avait un petit. France 2 qui a payé. Ça, je peux te démentir. Il y a eu. Avec une agence de voyage, mais bien sûr. Il n'y a eu aucune rançon de payer pour que les Français reviennent en France. Parce que c'est ce que l'immondation veut dire. Donc moi, je reviens sur ce qui veut. C'est ce qu'il veut dire. Non, mais il n'y a eu aucune. Monsieur Gérard, si vous vous rappelez bien, il y a de cela à peine 2 ans environ, lorsque. Certaines personnes ont été prises, vous savez, dans une avalanche et se sont retrouvées bloquées sous des mètres et des mètres de neige. Eh bien, ces personnes ont écrit un livre après, qui est de notoriété publique, n'est pas que ces personnes ont déclenché l'avalanche exprès afin de justement pouvoir écrire ce livre relatant leurs aventures, n'est-ce pas ? Ah, c'est très bien ce qu'il a dit là, à ce mesure. Et franchement, non, mais attendez, parce que là, ça devient le bordel. Attendez, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Mazur, taisez-vous s'il vous plaît. Anka, tu sors avec ton bordel, s'il te plaît, ça pue là-dedans, tu dégages. Ah non, ça sent. Marco, dehors. Mais Marco, pourquoi t'es en caleçon? Il est en calbut, Marco. Dehors. Dehors. T'as la nouille qui dépasse, là, Marco. Dehors. Il cherche son jean. Dehors. Bah, venez mon jean. T'en as rien à foutre dehors. Dehors. Ils vont au cul. Allez, hop, dehors. C'est elle, là. Ah, mais pourquoi t'as mis ton parfum, Gérard? C'est quoi? Ah, ça, c'est... Non, ça brise tout, ça. Non, ça, c'est zoomé. Ça brise le mythe, ça. Non, mais elle est complètement tarée, celle-là. Hein. Ah, ça a cassé l'ambiance, ça sent bon. GG, il y a... putain, ça pue, ce merde. Non, mais tu te sens les pieds aussi. Ouais, attends, ta gueule, toi. Et puis, regarde, fais gaffe, parce que tout à l'heure, ça va choper pour ta gueule aussi. OK. Et je préviens que si je termine pas à 10 000 sur l'internet, ah, Mathieu, attends, le 3, il n'y aura pas de débat sur... Il n'y aura pas de prochain débat. D'accord. Je veux 10 000 connectés sur l'internet. Attends, ok. On a 9 002 là, c'est bon. Ça monte, ça monte. Il y aura un débat, mais sans eux. Ouais, ben, sans les deux autres non plus. Faut ouvrir un peu là. Oh, Vidal, faut ouvrir, parce que sinon on va crever. Ah non, mais c'est l'autre, hein. Je pense qu'elle a été foutre ça ici, elle. Hein. Donc, on en était. Ouais, Mathieu. Ouais, il y a Judge qui disait comme quoi les journalistes de France 2 auraient trouvé la force, ça va dire, de fuir Jolo, soi-disant parce que GG, tu devais aller là-bas. Alors, c'est une grosse révélation, c'est un scoop, pour aller soutenir le moral des otages. C'est vrai ou. Non, pas du tout. Ah bon. Non, mais c'était un faux. Un faux GG. Non, pas un faux GG, un faux comment il. Merde, j'ai perdu le mot là. Otage. Un faux otage, oui, voilà, un faux otage. Manu, il y a d'autres. Oui, il y a Jean-Maxime. Jean-Maxime, bonsoir. Oui, bonsoir Manu, bonsoir Philou, bonsoir. J'ai oublié ton Mathieu. Nom. Mathieu. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Maxime. T'appelles d'où? J'appelle de Morlaix. Fréquence, s'il te plaît. Enfin, 15.7. Oh, j'allais dire. Drôle. Ah, excuse-moi, Cudan. Attends 5 minutes. Attendez 5 minutes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Gérard? Non, c'est parce que ça sent le parfum. Ah, Gérard, ferme les portes. T'es pas habitué, GG. Il a peur. Il s'étouffe, là. Ah, j'ai le nez qui pique, j'ai les yeux qui pleurent. Il a mis son brut de merde. Hein. Putain, moi, je vais payer double, hein, j'y vais. Alors, Jean-Maxime, Marie, tu veux répondre, Jean-Maxime, avant qu'on passe à l'autre question, non? Oui, et si tu pouvais juste me répéter la question. Donc, pensez-vous que la prise d'otage de Jolo est une catastrophe naturelle? Non, je pense pas qu'on puisse élargir ça au domaine du naturel. Mmh. Je pense que c'est une catastrophe tout court, Gérard. D'accord. Par contre, j'étais d'accord avec un auditeur qui disait que en fait la tragédie n'était pas si importante que ça. Immondation alors. Voilà, peut-être. Et parce que moi j'ai un. Non, et dehors là. Oh. Allô. Attends, 5 minutes, Jean-Maxime. Oh, mais... Non. Gaël dehors. Non. Le jean de Non, ça, c'est un Marco, tu. Allez hop, moi je vois pas de bordel le jeudi soir dans mes débats. C'est des animaux, ces gens-là. Bon, Gérard, moi ça m'intéressait vachement et je pensais qu'on était bien parti, tu vois. Ouais, mais peut-être que ça. Oh, oh là là. Mais ça y est là. Allez dehors là. Oh. Allez hop, dehors les Romano, dehors. Merde. Ça fait avec de la viande. Tout le monde dehors là. Dehors les Romano, on y va. Oh là. Et bon, c'est carré. Bon, donc. Jean-Maxime. Oui, donc, pour te donner des précisions un petit peu sur Jolot, parce que j'ai un copain qui est allé à Jolot pour, ouais. Pour vendre des substances illicites. Hein. Ouais. Mmh. Non, mais tu voulais répondre à Jean-Maxime. Oui. Tu voulais répondre là sur ce que... Inondation... Oui, je voulais en fait apporter des précisions sur le débat. Ça venait de là, ouais. On dit bon, qu'ils ont souffert, mais il faut savoir quand même que moi, j'ai un ami qui est allé à Jolot pour vendre... Je peux le dire ou pas, de la drogue douce? Non, maintenant que tu l'as dit, tant mieux fait de te calmer. Bon, alors, je le dis pas. Ainsi, maintenant tu l'as dit, t'aurais pas dû. Tant pis. Donc il est allé à Jolot pour faire ce qu'il avait à faire. Mm-hmm. Et donc là, il est sorti avec deux otages. Parce qu'il faut savoir que les otages ont quand même de la liberté. Hein. Et il les a amenés, il m'a dit, à une boîte, le fucking Blue Boy, à Jolot, tout ça. Non, pas là où ils étaient, malheureusement. Oui. Je vais dire une chose, quand même, ils ont. Les Français ont dit qu'ils avaient été maltraités, c'est vrai. Pas du tout. Si. Non, tu vois les terroristes et les otages en train de danser la Macarena. Non, c'est vrai. Hey, Jean-Maxime, là, moi, je peux te dire une chose, que là, t'es en train de répondre à côté de la plaque. Non, c'est faux. Je veux dire une chose, que là, t'es en train de déconner. Et inondation, quand je dis que. J'ai coupé. C'était qui? Je sais pas. Non, c'est bon. Jean-Maxime. Oui. Donc il est là. Marie Noire. Oui. Marie Noire. Inondation. Toujours là, bien sûr, fidèle. Monsieur Mazur. Je vous écoute. On est tous là, c'est parti. Ça, je sais pas. Il y a un problème. Justement, le sujet de mecs de Jolot, on disait tout à l'heure que c'était peut-être bidon parce que, tu sais, quand il a été libéré, là, le journaliste de France 2, il est arrivé à l'aéroport, il y avait déjà des journalistes et tout qui l'attendaient, il a parlé. Ouais. Il paraît que c'était une fausse barbe qu'il avait en plus. Ouais. C'est une fausse barbe. Non. Ça, je peux vous. Mec, il était à l'hôtel. Oh, mais Marie Noire! Mais c'est vrai en plus. Hey, tu me laisses répondre à la question. Puis là où je te dis au revoir, toi. Alors au revoir. Hop. Terminé. Qui? Marie Noire. Hop. Comme ça, celle-là va pas se permettre de. Okay. Donc tu disais que pour le journaliste de France 2 là, qui était libéré avec les deux Français là. Oui. Donc c'est la journaliste, pas les deux journalistes, parce que les deux journalistes, c'est eux qui ont pris la fuite carrément. Hein. Ah bon? Donc c'est la journaliste, la PAM. Non, mais je veux dire, il y a un mec là, le mec dont tout le monde parlait quand il est revenu de Jolot là, le français, quand il est arrivé, il est descendu de l'avion, il y avait déjà 20 000 journalistes qui étaient là, il interviewait, il parlait, il était là, oui, ça va, donc ça s'est bien passé. Ouais, et attends, en plus, Gégé, attends, si je peux me permettre. Gérard, c'est Anka, en fait j'ai pris le numéro secret pour pouvoir passer directement au standard, tu me manques. Ne fais pas chier. Ah, mademoiselle Anka, pourriez-vous vous décrire, s'il vous plaît, monsieur Mazur? Monsieur Mazur, c'est entre Gérard et moi, je voudrais vraiment revenir dans le studio. Ah, monsieur Gérard, il faut accepter cette personne. Tu raccroches, j'ai plus besoin de toi. Monsieur Gérard, pour une fois qu'une femme veut de vous. Non, moi, c'était terminé. Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Peut-être allez-vous pouvoir lui toucher les tétés, monsieur Gérard, allez savoir. Ça te changera ton bout d'invité. Bon, monsieur Mazur, ça commence à suffire. Bon, Gérard. Merde à toi. Mais t'as déjà vu. Oh, Gérard. Touchez-lui les tétés, monsieur Gérard. T'as déjà putain, vu. Putain, le débat. Ta gueule. Elle a deux tétons collés au torse. Ta gueule, toi, Marco. Voilà. Oh, c'est chaud. Mathieu, ouais. Ouais, pour fêter les 10 000, 26 connexions, on a passé la barre des 10 000, grand moment. Oh, oh, putain, on y attendait, hein, le premier. J'ai pas n'importe qui qui c'est alors? J'ai le maire de Morlaix, Laurent Houton, il s'appelle, et il aimerait que tu fasses parler un peu plus Jean-Maxime. Bah, Jean-Maxime, il a répondu à la question normale. Hein, donc j'attends toujours ma réponse, moi, mais bon. Bon, c'est pas grave, ouais, mais de toute manière, quand ils ont été libérés, de toute manière, c'est vrai qu'il y avait tous les journalistes là-bas, et donc pourquoi? Parce que c'était les Français, donc c'est tout. Parce que l'Allemande, là, qui a été libérée en premier, parce qu'elle n'était pas bien, y a, là-bas en Allemagne, on ne sait pas s'il y a eu des journalistes ou pas qui l'attendaient. Donc c'est qu'il paraît qu'elle a bien la France alors. Il paraît qu'elle a pris le Concorde pour rentrer. Mais non, mais attends, fallait voir comment qu'ils ont été traités. Il y en a qui disent qu'ils étaient bien traités alors que c'est faux parce qu'on a vu comment qu'ils étaient traités. Ils étaient traités de tous les noms, Manouche. Bon, on s'éternise plus là-dessus, c'est moi. Alors personnellement, pouvez-vous... C'est la combien, celle-là ? La huitième. D'accord. Il y en a 15. Hein. Ouais, je crois qu'on ne va pas les 15. Ouais, on va faire une sélection après. Personnellement, pour vous, est-ce qu'il y a assez de catastrophes ? On va demander à Jean-Maxime. Non, oui, il y en a assez. Il vous faut du bonheur dans ce monde. Ouais, ben ça... Vous portez un message de paix. D'accord. Inondation. Moi, franchement, pour moi, ça le fait, ouais. Franchement, c'est tranquille, ça me suffit. Franchement, moi, je m'en contente, hein, c'est pisse, quoi. Ça le fait. Bon, alors, il y en a pour tout le monde, non, mais il y en a pour tous les goûts. Un petit coup de tremblement de terre, un petit coup d'inondation, voilà, un petit coup d'avion. Pif, c'est parti. Franchement, bon, tout le monde trouve son compte, hein. Ouais, ben, inondation, au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Allez, hop, au revoir. C'est bon. Et monsieur, ouais, Manu, on a d'autres auditeurs. Ah non, pas pour l'instant, excuse-moi. Ouais, faut faire vite, là, hein. Oui, question hier, Monsieur Mazur, attends, Mathieu, ça, oui. Pour vous. Bah écoutez, oui, moi je dirais qu'il y en a assez, il y en a au moins une par mois, donc ça me semble amplement suffisant, n'est-ce pas ? Ouais, mais il faut dire que là, en catastrophe, on était quand même gâtés entre le... Absolument. Entre le Concorde, le Kursk, le Kursk, oui. Qu'est-ce qu'on a eu la tempête. La tempête, oui. les carpérés qu'on a pas, qu'on a oublié de préciser. La mer est tombée d'une chaise aussi, c'était... Monsieur Mazur, si vous voulez terminer le débat, je vous ai dit de vous calmer. Ah ben je suis tout à fait calme, je participe au débat, vous me posez une question, j'y réponds, monsieur Gérard. Non, parce que là, ça commence à soupir aussi, hein, parce que c'est moi qui ai demandé à ce que vous reveniez. Reveniez, oui. Hein, que vous reveniez sur faire les débats, mais sous des conditions, d'accord ? Ah ben, je les respecte entièrement, vous avez pu remarquer, je me tiens très bien. N'oublie pas de l'Erika aussi, hein, qui a saccagé nos plages bretonnes. On va en discuter de on tout ça. On y tient. Ouais, Manu. Oui, on va accueillir en pleine poussette. Bonsoir. Pleine poussette. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, tous les auditeurs et tout le monde. Bonsoir, madame pleine poussette. J'appelle de Bretagne. La fréquence. 101.1. Merci pour le Larsen. Eh, pleine poussette. C'est pas moi qui ai fait l'arsène. Ouais, ben, calmos, hein, les larsènes. Calmos, je vais te foutre mon gaine, tu vas voir. Alors, au revoir. Allez, pleine poussette. Non, mais je plaisantais. Terminé. Voilà, comme ça, le larsène, il sera encore meilleur. Ça tombe bien, parce qu'on accueille Érection Vulvanique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Érection. Érection Vulvanique, oui. Ouais, t'appelles d'où? J'appelle de Corbier-les-Gonades, dans l'Ain. Fréquence. 101.1. Il bon, y en a un qui vient de 101.1 aussi que je viens de virer tout de suite. Ouais, c'est bizarre. Oh Gérard, il a des sapes, il lui envoie son soutif. Oh putain, il y a Marco qui vient de retirer le soutif d'Anka. C'est dégueulasse. Bon, ça commence à bien faire ce bordel. Allez. Quoi, après non, vous allez réfléchir à la question. Manu. Oh, je suis pas prêt là. Un disque. Je suis pas prêt là. Non, mais je m'en fous, tu mets un disque comme ça. Allez, hop. Marco, tu reprends le soutif d'Anka là. Hop, tu m'envoies un disque comme ça. Ah, là, c'est bon. Quoi ça? Non, 1980. Ouais, ben. Oh merde. Faut s'accrocher. Ah là là. Non, alors la question. Oh là là, c'est pénible ça. Voilà, Larsen, là, on va arrêter là pour l'instant, ça va, ils vont se calmer un peu les esprits là, les deux trablots là. Donc on va pas faire celle-là, on va modifier, on va descendre parce qu'il reste plus que 10 minutes d'antenne. Avez-vous suivi à la télé la catastrophe du Titanic? Qu'en pensez-vous? Et on se retrouve tout de suite après avec le Concorde discothèque avec Vincent. Et je suis pas prêt. Fais un sondage rapidement. Alors. Ouais, un petit sondage. Vas-y, GG. Moi, ça m'intéresse. Je me dépêche, sinon ça. Alors, sondage, ça va être le dernier. Non, il nous en reste en... Vas-y, GG. Quelle catastrophe vous a le plus marqué? On va au cul. 66% de 66% ne peuvent pas répondre car ils étaient à l'hôtel. 45% des gens qui disent que c'est la boue La boue de mon cul en 85, n'importe quoi. 55% des gens pensent que c'est la prise de la Bastille, si on veut, et 98% pensent que c'est la fin d'Ayrton Senna sur le verglas. C'est complètement c'est débile. Et donc, merci pour mon micro. Ah, c'est pas moi. Non, monsieur, c'est pas. Tu l'as, merci. Non, c'est pas moi, c'est bon. Donc, on va s'écouter le Concorde discothèque avec Viens à l'hôtel. On va foutre le feu et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin du débat sur les catastrophes. Et on. Je veux 10 000 personnes sur l'internet. À tout de suite. Plus c'est tard, plus ça pue. Cette émission est réservée à un public averti. Et voilà, on venait d'écouter le Concorde discothèque avec Viens à l'hôtel, on va foutre le feu. Et je viens d'avoir le bilan du site internet. On est à l'heure actuelle à 10 846 connectés. C'est gagné. Voilà. Alors, pour ça, on va récupérer, pour terminer le débat avant la réunion qui va se produire dans les studios tout à l'heure. Érection vulcanique. Vulcanique, oui, rebonsoir. Rebonsoir. Oh là, qui c'est qu'un... Ah. Le Larsen, s'il vous plaît, merci. Oh. Érection. Oui. C'est toi qui fais du Larsen comme ça. J'ai pas de radio. Oh là, c'est... Jean-Maxime. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Monsieur Mazur, pour finir. Oui, toujours là. Non, j'avais oublié. Vaison le Romain, t'appelles d'où, s'il te plaît? Oui, bonsoir, c'est Vaison le Romain. J'appelle de Vaison la Romaine, 112.2. Bonsoir à tous. Alors la question, donc je la répète pas, vous avez tous entendu. Est-ce que vous pourrez la répéter s'il vous plaît? Érection, tu l'as entendu avant? On a écouté Madonna. Avez-vous suivi? Un suivi? Getting to the groove. Regarde ta montre. Vaison et Jean-Maxime, vous vous calmez ou je vous dis au revoir tous les deux? Je pourrais faire des galas. Bon alors, Vaison, au revoir. Non, attention, c'est pas la même voix. Arrête de te faire enculer. Bon alors, Jean-Maxime, hop. Oui, alors la question, c'était... Non, la question, c'est au revoir. Voilà, comme ça sera plus vite la question pour toi. Alors, je répète la question. Avez-vous suivi à la télé la catastrophe du Titanic? Et quand pensez-vous, érection vulcanique? Allô? Oui? Oh là là. Dépêche-toi, Gigi, parce que là, t'es carrément chiant, on est tombé à 9008. Eh, hey, tu réponds ou pas? Quand j'ai vu la télé, il n'y a pas longtemps, en fait. Oh là là. T'as vu quel reportage sur avec Céline Dion? Ouais. D'accord. Vaison le Romain. Moi, je ne l'ai pas vu à la télé, je l'ai vu au Cinoche. Je l'ai vu au cinéma. Bon alors, tu es... Je réponds à ta question, tu me demandes si je l'ai vu à la télé, je te dis non, je l'ai vu au cinéma. D'accord, monsieur Mazur, pour c'est finir. Carré, non, ouais. Merde. Monsieur Gérard, Attendez, monsieur Mazur. Hé, Vaison le Romain. Quoi? T'as dit j'étais taré? Non, je dis c'est carré. Non, t'as dit taré, au revoir. Il a dit c'est carré. Non, taré, hop, au revoir, bonne nuit. Voilà, ma géographie, je la connais mieux que toi. GG, on accueille, pour répondre à cette sublime question, on accueille Vieuxgen, bonsoir. Salut Gérard, salut tout le monde. Bonsoir, t'appelles d'où, Vieuxgen? Monsieur Vieuxgen. J'appelle, T'appelles d'où? De Toulouse. Fréquence? 102.8. Oh là là là, putain, mais vous allez vous réveiller dans les 4 dernières minutes, hein, ou soit... Je suis chaud. Ah, ouais, bah j'espère. Monsieur Mazur. Vous vouliez dire, pour le Titanic, vous vouliez dire, est-ce qu'on a suivi la catastrophe en direct? Oui. Avez-vous suivi à la télé la catastrophe du Titanic? Oui, mais en direct, voulez-vous dire? Bah oui. Ah bah écoutez, ça me paraît un peu difficile. En 1912, la télévision n'existait pas, monsieur Gérard. Quelle année? En 1912. Ouais, mais quel mois? Et quelle date? À quel mois et quelle date? Hein, je ne sais plus, je crois que c'était entre novembre et mars. Non. Je pense. Oui. C'est la date précise, c'est le 14 avril 1912. Ah, je ne savais pas que c'était la date d'anniversaire de M. Caprio. Bon. Ouais, bah moi non plus. Vieuxgen. Vieuxgen. Vieuxgen. Bah alors pas du tout, hein. J'ai pas pu suivre. Mm-hmm. Parce que je n'étais pas né déjà. Tu l'as vu, Jean? J'étais pas né non plus, malheureusement. Donc voilà ta question et. Bah ouais, mais je te dis la date. Donc pour la dernière question, on a un autre auditeur pour finir. Oui, on a un dernier auditeur, on a Pompéi Moeldar. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quoi? Pompéi Moeldar. Bonsoir, c'est Pompéi Moldard. Bonsoir. Les gars, il est plein de suie. Oui, bonsoir, monsieur Dard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, GG. T'appelles d'où? J'appelle de Bourlet. Bonsoir. Bah, je veux bien. Fréquence. C'est 117.5. C'est dans la Drôme maritime. D'accord. Bonsoir. Donc, dernière question avant qu'on aille un bilan internet. Fais le bilan. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais donne un peu de chiffres. Ah non, vas-y, donne des chiffres, putain. Allez, donne des chiffres. Allez, on est au-dessus de 10 000, là. Mais là, faut pousser. Les intermédiaires. 10 000, combien? On est à 10 009, là. On va peut-être passer aux 11 000. 10 900. Alors, dernière question. Y a-t-il plus de catastrophes en hiver ou en été? On demande à Érection Vulvanique. Eh bien, ça dépend où tu es. Mmh. Par exemple, pendant la saison de la mousson. De? De la mousson. De la mousse. Quand t'as de la mousse. Et quand t'as mousse, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Mmh. Bah, par exemple, en été, quand c'est la saison de la mousson, il y a des tornades. Mmh. Néanmoins, en hiver... En même temps, parce que c'est l'hiver de l'autre côté du globe, tu vois ce que je veux dire? Oui. Aux Antipodes. Bah, il n'y a pas de mousson, donc il n'y a pas de catastrophe. D'accord. Pompi Moldard, je sais pourquoi. Pompi Moldard, c'est vrai qu'aux Antipodes, ça ne se comporte pas de la même manière. Moi, je dirais que l'hiver est quand même un peu plus dangereux. Mmh. Parce que t'as les mêmes catastrophes qu'en été, et en plus t'as le verglas. Oh putain, non, non, non, non. Je vais te dire une chose, je répondrai tout à l'heure. Biosgain. Bah bien sûr, c'était clair, c'est en hiver, ouais. Des plaques de verglas, c'est dangereux. D'accord. Et on peut glisser et se faire une vieille beuge après. D'accord, alors Biosgain, tu feras pas la conclusion. Au revoir. Et monsieur Mazur, pour terminer. Eh bien moi je dirais que ça n'est ni l'été ni l'hiver, n'est-ce pas, mais c'est à l'arrivée du printemps, à la fonte des neiges, qui entraîne de nombreuses catastrophes naturelles, notamment les avalanches, puisque la glace est molle, elle fond et elle tombe sur des gens qui n'ont rien demandé. Exact. Ben, disons, il y en a quand même aussi autant en hiver. Hein. Ah, tout à fait. Mais... Parce qu'en hiver, attendez, oui. Ouais, vous voulez rajouter quelque chose? Cependant, notez juste qu'en hiver, elle est beaucoup moins molle. Ouais, mais il y a quand même pas mal de catastrophes en hiver avec les avalanches aussi. Oui, hein. Mais moins molle. Ouais, mais c'est quand même, il y a quand même aussi plus de morts en hiver qu'en été. Ah, bon, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais ça, ouais, d'accord. Il y a moins. L'été est plus propice à des avalanches de pelouse. Hein, à ouais, la non. Montagne. Ouais, non, mais d'accord. Je suis bien d'accord, monsieur Mazur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que là, quand même, cet été. Pompi Moldard, tu te tais, s'il te plaît, quand je parle. Merci. Ça me prend des vacances. Faut bien préciser que cet été, il y a quand même. Quand même eu des catastrophes encore sur les routes qu'on aurait pu encore éviter. Hein. Lesquelles? Avec l'écart, là, celui qui est passé là, sous un pont et qui a été renversé après. C'est pas une Merco? Comment? Non, je croyais. Non, mais tu peux préciser? Non, rien, non, vas-y. Merco. Verco, je pense que ça veut dire... Merco. Non, mais il y en a quand même eu deux quand même assez graves hein, encore cette année. J'espère que ça va quand même cesser les accidents de car. Hein. Bah, faut donc, arrêter les cars, ouais. Non, donc, les voitures, ça peut continuer. Ouais, mais il y en a quand même eu moins cette année. Hein, oui, bien sûr. Non, le mieux, effectivement, c'est que les accidents de car s'arrêtent, mais que les accidents de voiture continuent. Non, mais ce qu'il y a, c'est que cette année, on a quand même eu... je ne sais pas combien exactement qu'il y a eu de tués sur les routes par rapport à l'année dernière. Je crois qu'il y en a eu un peu moins que... Mais comment, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des cures, c'est pour ça. Mais comment ça se fait alors? Donc félicitons les tués, n'est-ce pas, monsieur Gérard? Non, monsieur Mazur. Ouais, qui c'est qui voulait dire un comment truc? Comment ça se fait qu'il y a des morts? Tu conduis pas, quoi, en fait. C'est ça que non, mais, ouais, mais, non, mais ce qu'il y a, ce qui s'est passé dans les deux accidents de car, d'après ce qui a été dit. Pas, non, mais là, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est que d'après les boîtes noires. Les rumeurs. Les boîtes noires des cars. D'après les boîtes noires, c'est-à-dire les mouchards, donc apparemment le. Les mouchards. Mm-hmm. J'ai pas dit les mouchoirs. C'est les oreilles, c'est les comme le cul, ça se lave. Les rapporteurs, les. Donc ce qu'il y a, c'est que apparemment, donc, les chauffeurs n'ont pas respecté les temps de conduite qu'il y avait. Ouais, on en revient toujours au même problème. Hein. Mais ouais, mais ça, c'est. On va pas faire le débat sur les routiers. Voilà. Non, mais ça, c'était pour préciser quand même sur les catastrophes, quand même. Il y a eu quand même des catastrophes aussi. Sur les cas en car, d'accord? Ouais. Comme en carpe, sur les carperies et tout. Oula, ça. On parle pas de ça. 2 heures, le débat de Gérard, la mission qui réveille ton gène. Hey, tu fermes ta grande gueule et tu sors des studios. Non mais complètement taré le Marco, mais c'est pas grave, il vient de se faire trancher par sa copine. Il a fait une topie. Elle a fait une topie. Bon, dernier sondage, et puis après on va faire la conclusion. Ça, ouais. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui provoque les catastrophes? 51% des gens qu'il y a toujours un moustachu dans les coupables, ça c'est faux. 37% des gens disent que la plupart des catastrophes c'est faux, comme Roosevelt. Et 21% des gens estiment que ma question sur la sueur c'est complètement du bidon, les sondages. Peu, alors, conclusion. Bidon. Tiens, pour la conclusion, on a Boom Blaster. Hein, Non, il veut conclure, Bonsoir Boom. Salut Boom. Ça va bien? Oui, bonsoir Monsieur Boom. Bonsoir Monsieur Mazur, comment ça va? Alors, conclusion, t'appelles d'où Boom avant la conclusion, dépêche-toi de me donner la fréquence. Ivry. Ivry. 101.9, merci de m'aider. Donc, conclusion de l'IRC avec le chiffre exact. On arrive à 12 004. Non, 12 000 quoi? 12 004. 400 connectés. Bravo. 12003. C'est battu. Ouais, c'est bien. Alors, érection vulvanique, conclusion de ce débat. Oui, c'était un débat, ma foi, de merde. Mmh. Et je vais dire que la catastrophe ce soir, c'était ton débat, c'était pas tout ce dont on a parlé. D'accord, et bien si t'es pas contente, le prochain coup, tu restes chez toi. Bonne nuit. Et ben moi, je te chie au cul, ma pétasse. Voilà. Boum. Ouais, bon, c'était un débat. Je pense qu'on n'est pas trop sorti des limites. Hein. On a été tout ce qui est plus. Correct. Poli, ok, correct. Correct. Correct, pardon. Correct. Et c'était pour savoir si tu pouvais, rechanter la chanson que tu as chantée au Caracoquel. Hein. Non. Pas de c'est chanson seule. Pour finir sur une note de bonne humeur. Non, terminé. On a parlé des catastrophes, je pense qu'on a blasé des gens quand même. Hein. Non, mais c'est terminé. Voilà, terminé, bonne nuit à toi, okay, Boom. C'est super. Et pompe-moi le dard. Pas maintenant. Mon pays, moi le dard. C'est vrai qu'on s'est bien tenu, franchement. Hein. Bon, et ben, à moitié. Ça aurait pu être pire. Ouais. Il reste que le débat a quand même été moyen à ton niveau. Ouais, ben, t'avais pas beaucoup préparé, hein, GG. Non, presque pas. T'avais pas beaucoup de dates, t'avais pas beaucoup d'événements, t'avais pas grand chose à citer, quoi. Non, à peine, presque t'as pas. T'as oublié plein de trucs, t'as pas parlé, je sais pas moi, des coulées de bouse, des trucs comme ça. Faudrait peut-être écouter la radio quand on a parlé des tempêtes et tout ça, on n'a pas parlé des coulées de boue, espèce d'andouille. Non, alors va te faire pomper le dard ailleurs. Non, mais il voulait parler des coulées de boue de ton slip. Allez hop, au revoir, bonne nuit. Bonsoir, et monsieur Mazur, conclusion. Bien écoutez, moi j'ai monsieur Mazur. Franchement, monsieur Mazur. Oui. J'avais dit que je vous gardais qu'une heure pour le débat et je vous ai gardé jusqu'à la fin. Donc, conclusion. Ah, il est arrivé à une heure, donc tu l'as gardé une heure. Hein. Conclusion. Oui, alors justement, j'étais en train de vous dire que j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, notamment la partie sur Jolo, que j'ai trouvé très instructive. Toute cette histoire de prise d'otage liée aux catastrophes naturelles, j'ai trouvé ça vraiment très très bien documenté. Permettez-moi de vous féliciter. Cependant, un petit bémol. Nous avons parlé à l'instant de coulée de boue. C'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler beaucoup lors de ce débat, et encore moins de coulée de bronze. Ouais, ben ça, les coulées de bronze, ça se fait pas dans un débat. Voilà, monsieur Mazur, ben, j'espère vous retrouver le 3 novembre. Monsieur Mazur. Oui, pardon, le 3 novembre, oui. Ah bon? Attendez, j'étais en train de consulter mon agenda. Ouais, non, mais moi, j'ai pas besoin de consulter mes agendas, c'est le 3 novembre. Non, ça c'est clair, t'es pas bouqué, toi. Hein voilà, c'est bon, je serai là. Ouais, alors, bonne soirée, bonne bourre et bon week-end à vous. Donc, conclusion de l'IRC. Bon, on a Yankee qui nous a dit comme quoi bah, c'était un débat à chier, comme d'habitude, mais là aujourd'hui, c'était pas un débat sur les catastrophes, c'était un désastre. D'accord, ben, pour lui aussi, donc après. Bah, sinon, on est à 12 000. Bah, c'est bien. Bah, c'est bon. Bravo. Alors, moi, la conclusion du débat, qu'est-ce que j'ai à dire? Que dommage. Merci, Fildar, de me couper encore mon micro à chaque coup. Donc, conclusion, bah, ça s'est pas trop mal passé, à part le bordel avec Anka et Marco. Donc, on va faire la petite réunion. Je peux remercier Manu et Fildar qui ont fait quand même du bon boulot ce soir. Oh et putain puis, et Mathieu, redis-le, s'il te plaît, redis-le. Et Mathieu qui est venu nous soutenir à la place de Danka qui est pas capable de faire un boulot correctement ici. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci. Donc voilà. Merci Gérard, t'as fait un bon débat. Ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais préciser d'autre? Oui, Max sera demain 13 octobre à Belgique, à Brême-le-Comte, sous un chapiteau donc que j'avais déjà fait avec lui. Et le lendemain, il sera à la NJ Joie en Belgique aussi. Donc allez-y nombreux. La donc. L'Enjoy. L'Enjoy, ouais. NJ Joie, c'est pas grave en Belgique. Mais pour Brême le compte, allez-y nombreux s'il vous plaît sous le chapiteau, parce que donc allez tous ceux des alentours, Charleroi, Lille, puis tout ça. Donc. Brest. Non. Donc allez-y nombreux donc et puis mettez le feu comme vous avez l'habitude de faire, comme ça avait été une année. Voilà, donc sur ce, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien d'autre. Petite réunion, non? Petite réunion, mais si Max il pouvait venir, ça... Il arrive, on va commencer sans lui et on va. Donc, nous rejoindre. Non, mais j'aurais bien voulu qu'il vienne quand même pour participer à la réunion, comme ça il mettra aussi les choses au point pour pas que ça soit le bordel pour le 3 novembre. Donc Max, on t'attend pour la Max, réunion. On t'attend Max, c'est vite, on ne respire plus. On t'attend pour la réunion, donc si tu pouvais... Ah bah le voilà. Et après vous retrouverez... Jaël. Gaël pour la nuit sans pub après la réunion. Hein, donc voilà. Bon alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc ce soir, malheureusement, alors, ça a été... Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce soir, ça a été la décatombe à part, comme j'ai dit... À part, comme j'ai dit, qu'il y avait que Manu et Fildar qui avaient fait du bon boulot ça, pour une vrai. Fois. Ça, c'est vrai qu'on fait du bon boulot. Pour une fois, j'ai pas eu trop à me plaindre d'eux. Donc Mathieu qui est venu nous soutenir parce que ouais. Anka était incapable de faire de l'internet déjà. Elle est pas capable de faire du standard la semaine. Tu m'as pas beaucoup laissé essayer. De toute manière, maintenant, je vais te dire une chose, que le jeudi, c'est plus toi qui commandes. Tu commandes jusqu'à minuit, mais après minuit... Après minuit, c'est moi qui décide qui se prend dans l'équipe si je te veux plus. Donc, c'est terminé. Alors, par contre, quant à toi, Marco, un conseil que je te donne. Le jeudi, je ne vais plus te voir traîner ici et puis rouler des pelles à ta gonzesse. Ça, c'est en dehors. Mais ça, il a vous raison. Faites ça c'est dans un lit, son sous-type, tu n'as pas besoin de le balancer. Hein. Ça mixe. OK. Non, et donc... Alors maintenant, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Donc pour le 3 novembre, Anka, à partir de minuit, pas de soutif. Tu n'es plus dans l'équipe. Donc c'est terminé le jeudi avec moi. Donc plus de chance, c'est terminé. C'est terminé. Ça serait bien d'avoir une fille dans l'équipe. Non, mais même, je t'ai vu travailler depuis 21h, tu n'as rien foutu. Tu m'as pas vu travailler, t'es allé chanter faux dans un karaoké. Ouais, moi si t'es pas contente ma petite, tu vas faire le karaoké et tu fermes ta gueule. D'accord. J'allais pas dire. Tu ça, la tu fermes. C'est tout. Bah ouais. Parce que je t'ai vu. Eh non, mais t'as parlé. Je peux me défendre un peu. Non, mais moi je vais te dire une chose. Tes fiches sont les as. T'es auditeur. Alors toi, on peut pas voir tes fiches et toi tu prends les nôtres. Non, mais de toute manière, ça se voit d'ici comment que tu travailles. Hein. Ah ouais. C'est Manu qui fait. Dis-moi comment je travaille. C'est Manu qui fait tout le boulot pour toi. Donc pour moi, le jeudi soir à partir de minuit, t'es plus dans l'équipe, terminé, c'est tout. Ok. Voilà. Quand je pense que j'ai voulu te protéger parce que je t'aime bien. Sur Internet, ils étaient tous dégueulasses avec toi. Ils ont commencé direct. Ils ont enchaîné direct en disant ouais, de toute façon la catastrophe, c'est Gérard Rocard. Ben ouais, c'est ça. Et moi, j'ai pas voulu, tu vois, dire non, ça. Non, mais moi, je vais dire une chose. Honte, une fois de plus. Moi, je vais dire une chose. Mathieu est arrivé, on a fini à 12 000 connectés. Et ouais. Alors, dans ce cas-là, le jeudi, maintenant, c'est terminé. C'est clair, net et précis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour Marco. Pour Marco, c'est pareil. Il se débrouille. Il ira se faire faire des tepis dans le studio d'à côté. Moi, je me dis qu'on pourrait faire un contrat à Mathieu. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Que Mathieu remplace Rigaud, ben, n'est pas là. Quoi. Quand Rigaud n'est pas là, s'il veut venir nous épauler, moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Je crois que tu bosses à RFI, non? Donc, voilà, pour ça, on va laisser Gaël pour la nuit sans pub. Donc, Gaël, c'est à toi. Bonne nuit à tous. On a un disque. Ah bah oui. On a une surprise, pour Monsieur Mazur, j'espère qu'il écoute. Ouais. Attends, on va te donner le titre du disque. Ouais, on va lui faire plaisir. Choisis-moi. Donc, on se retrouvera le 3, donc pour le prochain débat. Ça part sur quoi le prochain débat? Qui doit porter sur l'affaire Lididi. donc le titre, c'est dédié à qui ça? À Monsieur Mazur. Ah, donc c'est les beats. Else avec le petit sous-marin jaune dans mes fesses. Bonne nuit à tous et au 3 novembre. Et venez nombreux sur les deux soirées que j'ai citées. Voilà, bonne nuit.